Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission 80 à l'heure, comme tous les mardis soirs, évidemment, de 20h à 22h30. J'espère que vous portez bien. Nous, on se porte bien, comme dirait Desireless, évidemment, parce que vous connaissez certainement le jingle. De temps en temps, on aime bien reprendre un peu comme ça des phrases qui ne nous viennent pas forcément de nous. Mais donc voilà, donc on va être en comité restreint pour l'instant. En fait, on va être en tête à tête. C'est ça. Ouais, enfin, si on va être entre couilles, comme dirait l'autre, hein. Oui. Puisque enfin, voilà. Tant qu'on n'est pas en tête à queue, ça va. Ça va, exactement. Voilà. Donc ça commence bien, ça démarre bien. Vous l'avez compris. Nous sommes avec Sherlock. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Et ouais. Bonsoir, mon ami Sherlock. Alors on va être à deux pour l'instant, puisque Flipkat, pour des raisons donc professionnelles, a pris un peu de retard. Il est un peu loin. Hein. Il est du côté des Tapes, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. C'est, donc, enfin, c'est ce qu'il a dit. Après, ouais. Est-ce que c'est vrai, tu ne crois pas, toi? Ouais, c'est ça. Bah, attends, la Saint-Valentin approche. Je pense qu'il voilà. est peut-être en chasse du côté des Tapes. Hein, après, Peut-être. Ça m'étonnerait peut-être pas. Tiens, donc notre ami Flipkat viendra nous rejoindre un peu plus tard, évidemment. Il y a Canon également. Bah, ce soir, pour des raisons professionnelles, ne pourra pas être avec nous, ni à l'écoute non plus, hein, puisqu'il bosse donc ce soir sur une soirée spéciale. Bon, on peut le dire, hein, il est au Singing Studio à Lille. Donc voilà, donc on n'aura pas la chance d'avoir Canon, ou on a la chance de ne pas avoir Canon, je sais pas comment il faut dire ça. C'est mais... peut-être ça. Alors après, j'ai de la peine, c'est pour notre petite Onissa. Ouais, c'est vrai. Voilà, Onissa qui a des petits problèmes de santé, donc rien de méchant, mais est obligée donc de consulter ce soir, et j'espère qu'elle reviendra très vite en pleine santé. Donc voilà, donc on la salue au passage, notre petite Onissa, notre petite voix féminine à nous. Donc voilà, donc ce soir on va essayer de vous faire une émission comme il se doit, une émission à 80 à l'heure. On va essayer, ça ouais, va on être va essayer. Évident. On vous rappelle qu'on a encore quelques petits problèmes techniques qu'on doit régler, c'est prévu, ce sera réglé, enfin donc voilà, donc peut-être que de temps en temps ça fera des couacs, mais ce sera pas de la faute à Sherlock pour une fois. C'est vrai, pour une fois, ouais. Voilà. Ce sera la faute à Rico. Ouais, on va mettre sur son dos. Non, Rico, on le salue au passage, bien sûr, c'est pas de sa faute, bon, de temps en temps, bah voilà, il y a du matériel qu'il faut changer, donc voilà, on arrive peut-être en fin de vie. Il y a des fois du matériel aussi vieux que les animateurs, donc c'est forcément... Vrai. Je suis sûr que la table, elle est aussi vieille que toi. Bah écoute, elle était déjà là quand j'ai commencé la radio. Bah ouais. Donc... Non, mais elle est aussi vieille que ton âge, je veux dire. Ah, peut-être. Quoique non, bah non, à l'époque, non, c'était des ampoules. Ouais, il fallait des changer amplis, des ampoules. Machin, non. Des amplis à lampe. Ouais, c'est ça, c'était des amplis à lampe. Quoique, ça revient. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça revient et les gens qui ne prennent plus d'ampli à lampe reviennent aux ampli à lampe parce qu'il paraît que ça donnait un son qui était... Ouais, c'est un son Flip 4 aurait été là et dirait « Oh ouais, c'est clair, c'est de la balle !» C'est vrai, avec une expression comme ça, c'est bien possible. Ouais. Alors bon, ce soir, ça va être une émission fort musicale, mais quoique, on a quand même pas mal d'actualités. Si vous, de votre côté, vous avez envie de nous faire part d'une actualité, surtout n'hésitez pas, il y a la page Facebook pour ça, hein. vous allez sur 80 à l'heure... Et puis vous nous envoyez un petit message et puis on sera le plaisir de le retransmettre donc en direct à l'antenne. Mais ceci dit, ce soir il y a quand même de l'actualité puisqu'il y a quand même la chronique Rétro Ciné 80. Oui. Donc à 21h. C'est ça, ouais. Je vais essayer de te faire deviner un film. Forcément. Quoi qu'on a quand même, on a quand même deux auditrices qui sont avec nous. Hein. C'est vrai. Il y a Véro qui est avec nous et Touquette, donc peut-être qu'elle elle sera encore là et tu feras deviner donc le film de quelle année. C'est une bonne question. Attends, je regarde ma tablette. Ouais, vas-y. 85. La tablette, voilà. Il a trouvé dans la grotte de Lascaux, sa tablette. ouais, et puis évidemment, après 22h, les sorties Cinoche. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Bah, moi, je te parlerai, tiens, de deux films que j'ai vus. J'ai vu Sully et Danny Boone, Radin. Radin ? Ah ouais, il n'est pas sorti hier, quoi. Mais je l'ai vu quand même. D'accord. Mais Sully n'est pas sorti hier non plus. Non, mais il est quand même sorti plus récemment. C'est vrai. Et il est d'ailleurs toujours sur les écrans. Oui, il est toujours à l'affiche, ouais. Voilà, absolument. Effectivement. Eh bien, écoute, eh ben, ce qu'on va faire, c'est que avant de pouvoir te découvrir dans ta chronique rétro ciné 80, donc d'ici une heure, on va se faire une coupure musicale de trois quarts d'heure. Ouais. Non, non, non. Allez, petite coupure musicale de deux, trois morceaux. Bah, trois morceaux, ça peut être sympa. Ah, trois morceaux, bah, vas-y. Bah, écoute, j'en ai prévu deux. Ouais. On va faire un AVC song pour le troisième. Ah, bah ouais, bah, écoute, on peut peut-être demander à Véro qui est avec nous. Ok. Véro. Oui. Oui, bonsoir Véro. Bonsoir. Et bah, tu vas. Bonsoir Véro. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Bah, ouais, toujours aussi joli, hein. C'est vrai. Je parle à toi, hein, Sherlock. Ah, merde. C'est pas elle qui va me dire ouais, c'est vrai. Donc, bah, l'ABC son, tu connais le principe? Oui. Bah, rappelle-le-nous. Donc, il faut donner une lettre et un chiffre. Et cette lettre et le chiffre correspondent à B7. Non, mais ça correspond à quoi, les lettres et les chiffres? Bah, B, c'est. Le titre ou l'auteur? Ah, je sais pas. Ah, bah non, c'est le nom du groupe. Et puis ensuite, alors Sherlock. Oui, eh bien c'est Tarzan Boy de Baltimora. Ah ouais, bien. Avec un clip hyper kitsch. Mais ouais, et d'ailleurs, pour la petite information, avec un clip dans lequel ne figure qu'un figurant. Oui. Puisque c'est pas le chanteur du tout. Oui. C'était un modèle italien qui prenait la voix d'un autre chanteur. Et dans le clip, c'est pas du tout le chanteur. Dans un décor en plastique. Hein, c'est horrible. C'est affreux. C'est complètement affreux, moche. Mais, j'ai regardé d'ailleurs justement, j'ouvre une parenthèse, mais j'ai regardé de vieux clips là, ces derniers temps. C'est vrai qu'on découvre des détails où on se dit, mais c'est vrai que c'était... c'était pas terrible, quoi. Honnêtement, je prends ça au clip de Eurythmics, puisque tout à l'heure, on écoutait Eurythmics. Ouais. Un jour, je t'invite à revoir donc, le clip de There Must Be an Angel. Mm-hmm. Et donc, elle est magnifique. Enfin, à l'époque, elle était magnifique. Et en réalité, elle a des dents jaunes. Mais jaune de chez jaune. Et je me demandais si c'était mon écran qui allait pas. Et j'ai regardé le plus près. J'ai dit, mais non, les dents du bas, on dirait qu'elle fume comme un pompier. Mais je te promets, je t'assure. Il faut voir ça. Je te jure, je t'invite à le voir. Et, d'accord, sincèrement. Et c'est assez impressionnant. Et tu ne vois que ça pendant tout le clip après. D'accord. Eh ben écoute, on y va alors. Ouais, bah c'est parti. Donc alors avec Eat House et Jack to the Sound of the Underground. Ouh. DJ Stéphane serait heureux. Ah ouais. Ensuite, on reviendra avec un truc un peu plus classique avec Duran Duran et The Reflex. Oui. Et donc enfin Baltimora avec Tarzan Boy. Eh ben on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Picture this. Recording studio somewhere far, far away. It's time for house. Ooh la la. Ooh house. On the double. to the sound of the underground. Got to father time, but I'm dancing on the Valentine. I tell you, somebody's fooling around with my chances on the danger line. I'll cross that bridge when I find it, another day to make my stand. Oh, oh. High time is no time for deciding if I should find a helping hand. Oh, oh. Vous écoutez mon dernier single, Je me fous de tout, et vous êtes sur RQC, et c'est 80 à l'heure. Je me fous de tout, et je fous tout en l'air. Je donne des coups, la pantoufle de verre, et je la fous au clou, la terre tourne à l'envers. Je mets les bouts, les bouts, les bouts. Je me fous de tout, et je fous tout en l'air. Je rends les coups. Blanche-Neige empoisonnée, tout le monde s'en fout. Eh bien oui, vous êtes toujours sur RQC 95 FM, c'est toujours l'émission 80 à l'heure. Et là, on écoutait, c'était la chanson « Je me fous de tout » de Sabine Paturel, que je remets un peu en fond. C'est le nouveau single en fait de Sabine Paturel hein, qu'elle a sorti bah, tout récemment. Hein. Absolument. Et, mais par contre, je te rappelle un petit truc, mon ami Flipkot. Non, Sherlock. Ça y est, ça commence. Ouais, ça y est, je commence. Sherlock, oui. Parce que tu dis 95 FM, on est en Belgique. Hein, c'est 95 FM. Ah, il faut que tu présentes. Hein, quand mais même, c'est parce, qu'on, c'est parce qu'on est frontalier, tu vois. Donc je me ouais, dis, c'est vrai. Il y a pas mal de Français qui nous écoutent quand même. Oui, c'est vrai, absolument. Il y a ma mère déjà. Ouais. Et après, je sais pas. C'est tout un honneur déjà. Donc bah, déjà, ils sont deux. C'est ça. Jusqu'à ma mère, ta mère. Voilà. Donc voilà, et on pensait ne pas l'avoir avant 21h30, mais non, il est avec nous. Oui. C'est comme l'Arlésienne, en fait. On en entend parler, mais on ne le voit jamais. Mais si, il est là. Quel matheux. Ah, si, ouais. Il est là. Philippe Cat, il est avec nous. Il nous vient d'Étaples. Ouais. C'est ouais, ça directement, ouais. Qu'est-ce que tu faisais à Étaples? J'ai fait un jury. D'accord. Alors un jury, excuse-nous, mais alors, ça oui, veut dire quoi en fait, je faisais des titres commerciaux des adultes qui ont suivi une formation, en fait. D'accord. Dans des centres comme l'AFPA, pour le plus connu. Bon, il y a plein de centres de formation. Parce oui, parce que ça, c'est quand même pas la porte à côté. Oui, non, mais c'est parce que ça paye. Ouais, bah, je me doute. Voilà. Ça gratos. Les indemnités kilométriques et même au tarif horaire, ouais, c'est valable. Puis ça paye, puis il doit y avoir des femmes, j'imagine. Pas fou. Non, alors, mais je vais pas pour ça, parce que bon, en général, je tombe avec des gens que je connais déjà, avec qui je bosse en binôme, donc voilà. D'accord. Ça okay. Vaut la peine. Ah bah, j'imagine. Ah bah, mais on t'attendait un peu plus tard, mais tant mieux, tu es là, et ça fait bien plaisir. Tu nous as préparé une petite chronique Bah non, je suis venu directement, en fait. Je pensais repasser chez moi et puis prendre tout ça. Le pire, c'est que j'en avais une de près, j'aurais dû la prendre ce matin. Bah oui, parce que d'ailleurs, il y a eu un titre tout à l'heure, je pense que tu voulais nous reparler de Duran Duran. Ouais, effectivement. Voilà. Bon, ce sera pour la semaine prochaine, c'est pas grave. Bah écoute, ouais, avec plaisir. Quoi de neuf? Bah si c'est 3. Ouais, d'accord. Ouais. Oh la vieille blague. La moitié de 18. La vieille non, mais blague. On va commencer, on va garder bonnes habitudes. Ouais, voilà, ouais. C'est simple, je fais soirée... je la fais soft, je la fais normal, c'est comme vous voulez. Soirée sans vanne, mais t'as pas réussi la semaine dernière. Non, nous a fait un pari la semaine dernière en nous disant je ne fais pas d'humour ce soir, mais t'as attendu 5 minutes. 5 minutes, ouais. Ou même pas, moins que ça, même 3 minutes, quoi. Ouais, non, je dirais quand même bien 5 minutes. Alors, et on te relance le défi ce soir. Ouais, ok. Flip 4, ce soir, pas une seule note d'humour pendant toute l'émission. Ça marche ? On va essayer. Sinon, tu nous payes une tournée. Ouais, déjà la fois dernière, j'étais bon pour une TG. Tu nous payes une tournée en sachant que ce soir, on est rejoint quand même par Véro, par Touquette, par Marilyn, qui sont là aussi également dans les studios. Donc, il va falloir que tu leur payes une tournée aussi. Hein. Ouais, mais ça va aller. Ce qui m'inquiète, c'est Marilyn. Je sais qu'elle n'est pas du genre à... Hein, c'est pas de la limonade, c'est pas de... Non. Un peu de sucre, de l'améliorer, on va dire. Je me doute. Bon, eh ben, vous êtes toujours dans l'émission, évidemment, 80 à l'heure sur RQC 95 FM, hein, comme tous les mardis soirs, donc de 20h à 22h30. Donc, ce soir, on va parler de plein de bonnes choses. Tiens, dis donc, j'ai appris une chose, tu nous as fait un défilé ce week-end. Ah, il paraît, ouais. C'est quoi cette histoire de défilé? Tu peux nous raconter un peu? T'étais quoi? Mais non, c'est parce qu'il y avait le repas du petit Hugo du samedi à Verquignol. Dans mes amis, j'ai un groupe. Parce que Verquignol, c'est de quel côté? Oui, effectivement, ça a deux pas de Béthune, je confirme. Ah, d'accord, ok. Un petit patelin. Et donc, je vais juste être présent. Mm-hmm. Et à la dernière minute, j'étais, on va dire, entre guillemets, embauché pour défiler. Avec les pin-up. À Walpé? Non. Non, non. Non, on pouvait pas, il y avait des gosses. En mini short, talons, et puis le petit. Non, non, sérieux, là, dans les feux. En pin-up. Non, avec des. Non, il y avait des gosses, donc il fallait bien se tenir, quoi. Même si c'était tentant, Mais t'as défilé comment? Ah non, j'ai fait une figuration, c'est tout. C'est parce que, sur le défilé, elle passait avec des titres. Ouais. Et il fallait que je fasse une. Un playback. Avec une guitare. Ah, et t'as fait wap wap wap. Oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Wap wap wap wap. J'ai pensé à vous, en plus, c'est ça le pire. Ah ouais. Ah ouais, je vous jure. Tu vas pas que c'était pas de. Non, yes, c'était pas. Il y a des vidéos qui traînent au moins, on peut voir. Vidéos, non, je pense pas. Des photos, oui, j'en ai mis sur ma page, oui. Ah, je l'ai pas vu. Enfin, on m'en a mis, par mon insu, je vais dire, parce que j'ai été identifié. Où t'es entouré de pin-up, effectivement. Oui, voilà. Ah, mais si, ça me parle. Ah ouais, carrément. Mais je croyais que c'était un photomontage. Non. Si, je crois que j'ai vu passer. Voilà. D'accord, ok. Bah écoute, bien. Non, c'était bien. C'était bien. C'est l'événement que j'avais balancé sur la page. Et au final, il y a eu quand même pas mal de monde, puisqu'on était quand même à pratiquement 124 personnes. À une ou deux près, je pense. Dans la salle ou oui, sur scène? Oui. Non, dans la salle, scène, parce qu'il fallait beaucoup. Un minimum de 100 personnes. La première fois, l'événement avait été reporté, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de personnes pour la réservation. Ouais. Et là, cette fois-ci, c'était la dernière fois. Donc, on va dire la dernière chance, quoi, en fait. Donc, j'en ai appris un peu plus. Concernant ce petit garçon, en fait, c'est parce qu'il a un problème au niveau des articulations, au niveau de ses pieds, en fait. Ouais. Ce qui fait qu'il perd absolument toute la. On va dire, pas la motricité, mais la souplesse au niveau de ses pieds. Ouais. C'est comme si qu'il avait un pied à angle droit, quoi, en fait. Hein. Donc, il y a une intervention qui est très risquée, qui est possible en Espagne. La différence, c'est qu'ici, les chirurgiens ne veulent pas prendre le risque de le faire, quoi, en fait. Mais il y en a quand même pour 4500 boules. Ah oui, donc c'était une opération qui visait à récolter les fonds, et c'est ça? En fait, c'est pour collecter les fonds, oui, voilà. Parce que il y a le voyage, il y a le billet d'avion, il y a le séjour, sachant que d'après ce que son père m'a expliqué, pardon, c'est que en Espagne, au niveau des hospitalisations, pardon, quel que soit le type d'intervention que tu peux subir, c'est 48 heures que tu restes. Et après, c'est retour de baraque, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, après, si c'est possible, on lui souhaite. Et en plus, il doit être tout jeune, ce petit Hugo. Je crois qu'il a 7-8 ans, Ouais. Donc, voilà. Donc, effectivement, avec un petit handicap au niveau de la démarche, mais bon, il tient quand même debout. Mais ça va être un sérieux handicap pour lui en grandissant, puisque bon. Il existe une page où on peut le retrouver? Alors oui, effectivement, je crois même l'avoir mise je l'ai vu la semaine dernière. Je la remontrais. Faut la remonter. Parce que j'ai demandé, ils ont bien créé une page, oui, voilà. D'accord. Eh bien écoute, c'est noté donc pour le petit Hugo. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se refaire une petite coupure musicale, cher Lecoeur. Oui. Et on va demander, Flip 4, comme on était en train de parler du petit Hugo, il y a également un autre... Je veux dire, un autre élan de générosité qui a été mis sur la page 80 à l'heure. Canon. Oui, alors Canon a relayé un peu ça. Donc, c'est pour le petit Enzo qui, lui, a 12 ans, qui, suite à une tumeur au cerveau survenue très petit, a subi plusieurs interventions chirurgicales, donc une grande partie de chimiothérapie. Ah oui, pas cool. Et les parents apparemment viennent d'apprendre aujourd'hui que Enzo doit subir une intervention chirurgicale qui coûte environ 5000 euros. Combien ? 5000 euros. Ah ouais, quand même. Afin qu'il puisse ne pas perdre l'ouïe et donc éviter de devenir sourd. Les parents, donc, n'ayant pas d'énormes moyens, ils font appel à la générosité. Donc ils ont mis un petit commentaire sur la page Facebook. Vous pouvez partager, suivre. Il y a également un lien pour une participation solidaire. Oui. Et donc j'invite les gens à aller voir un petit peu tout ça. D'accord, donc c'est sur notre page 80 à l'heure, et on évidemment on le supporte, mmh. bien évidemment, et puis et d'ailleurs un petit coucou au passage à Canon, hein, oui. qui est en train de bosser actuellement, vous voyez des photos, il nous a envoyé un petit message, il est au Singing Studio actuellement, donc on le salue aussi au passage, et puis nous on va continuer en musique, on va peut-être demander un petit ABC Song à notre ami Flip Cut. Pourquoi pas. Eh ben, alors vas-y. F... B52. F. Non, j'ai dit B. B comme Bernard, B52. Ah, pas 52. Y a pas 52, attends, il va mettre 3 heures, Flip 4. Non, alors, ça me rappelle. 1, 2, 3, il nous le fait plus. Parce que d'habitude, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 52, on est mal barré. Je sais déjà que le 7, c'était Baltimora, donc je vais partir du 7. Non, je vais gagner un peu de temps. Ah non, bon. Je vais changer. On va mettre U2. Mais non, pas dans U2. Les F, dans les B, il m'a demandé. Non, U2. Ah, bah oui. Ah, U2. Ouais, U2. Alors, c'est comme si cet après-midi, je fais choisir des sujets aux candidats, sachant ouais. qu'il y a 3. Alors, je leur dis de choisir un nombre entre 1 et 3, généralement, ils prennent le 2. Ouais. Et la candidate de début d'après-midi, tellement stressée, je dis vous choisissez un chiffre de 1 à 3, le 7. Ouais, c'était pas mal, quoi, elle n'avait pas encore sorti. Donc, du coup, tu as fait 1, 2, 3, puis tu es revenu. Ça sortira pour l'année prochaine, le prochain sujet. Et donc, tu m'avais demandé quoi ? F combien ? Ah, c'est pas moi. Ah non, moi. Bah ouais. Ah, bah moi. Allez, F 10. Bah bien. Ça va aller ? Ouais. C'est qui ? Ouais. Félix Gray, Didier Barbelivien. Oh. À toutes les filles. Adieu. D'accord. J'adore cette chanson. C'est toi qui l'as choisi. Hein. Et Flip 4, c'était U2 avec New Year's Day. En plus ? Bah oui, c'est le dernier jour aujourd'hui. Donc on vous dit une bonne année à tous. C'est le dernier jour où on pourra vous le dire. Ouais. Voilà. Eh ben écoute, ça marche. Oui. Hein ? Eh, il a pas réussi. Oh merde. Il a pas réussi. Ah, t'as il sorti ta blague. Bonne année. J'ai même pas fait gaffe. Ah bah voilà. Eh, sérieux, c'est sorti. Sérieux, c'est sorti tout seul. Reste tel que tu es, voilà. Notre ami Flip 4. Reste tel que donc, tu bah, es. Donc tu peux même dire bananier et pomme. Je sais pas. Ouais. Bon ben, bananier et pomme orignette et pomme d'api alors. Hein. Allez, donc c'est parti avec U2, New Year's Day et Félix Gray, Didier Barbelivien, à toutes les filles. Allez. Et à toutes celles que. Hein. à toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. À leur volcan de larmes, à leur torrent de charme, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, des cours de lycée en jardin d'enfants, aux lettres déchirées, à leurs baisers volés, je suis resté adolescent. Elle savait, des océans au fond des yeux, elle dansait. Quelque chose de secret, elle gravait nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Elle pleurait comme on pleure quand on a trop aimé. Des océans au fond des yeux bleus. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. De leurs éclats de rire à nos nuits de plaisir, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, de plage au soleil en dîner dansant, aux secrets murmurés, aux passions déchirées, je suis resté. L'océan au fond des yeux, elle dansait pour nous garder plus amoureux. Elle disait que l'amour c'est toute une vie à deux. Elle savait dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Elle gravait nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Elle pleurait comme on pleure quand on a trop aimé. Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Ah oui, alors à toutes les femmes que j'ai aimées avant, alors ça, j'ai, ça c'est une belle programmation. Ah ouais, et là je te dis pas combien on a perdu d'auditeurs. Ah ouais, tu... Non, bah si, bah Félix Gray. Ça devrait être même interdit, je pense. Non, mais c'est vrai que dans le studio, toutes les filles étaient en train de chanter. Ouais, forcément. C'est clair. Ouais. Ouais. Mais... toutes les filles sauf nous. Ouais. D'ailleurs, on est, c'est la parité ce soir, hein, puisqu'il y a trois mecs, trois nanas. C'est vrai. Deux jeunes, un vieux et deux jeunes. Et... et c'est qui le vieux? Hein? Le vieux, c'est. Ah bah, alors sinon. On ne dit pas, on laisse deviner. Ouais. De toute façon, mais les gens sauront. Ça me dérange pas du tout. Mais je te taquine, Flipkat, tu sais très bien. Mais si tu savais... Je parlais évidemment de Sherlock. Eh ben, enfin, tu vois. Je parlais mentalement déjà. C'est vrai. Oui. Oh oui. Sherlock, je le rappelle en un mot, hein, non pas en deux mots, on me l'a encore demandé il n'y a pas longtemps. Non, je dis c'est bien en un mot, c'est pas en deux. Absolument, absolument. Et les gars, alors vous avez vu l'actualité? Ouais. Ouais. Alors il y a, bon, l'actualité pas forcément très politique, on s'en fout, on n'en parle pas, ça c'est de la partie de chiffon rouge, l'actualité, tout ce qui est drame, machin, on s'en fout, enfin on s'en fout pas, mais on n'en parle pas, mais en tout cas il y a une belle actualité, et c'est cas de le dire, si je vous dis Hauts-de-France et si je vous dis Univers, vous me répondez? Bah, Iris Mittenard. Eh ouais, quand même, ouais, c'est une bonne nouvelle quand même. Alors Iris Mittenard, hein, qui est devenue Miss Univers. Waouh. Ouais, c'était pas arrivé depuis 1953. Absolument, absolument. C'est énorme. Et je peux comprendre parce qu'effectivement, c'est une très très belle femme. D'ailleurs, il y a quand même un point commun entre nous et Iris. C'est qu'on a eu l'occasion quand même de recevoir il y a quelques années, alors je ne sais pas si vous étiez là, mais Cheryl, qui est une très bonne amie à Iris, et qui s'était présentée toutes les deux à l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais à l'époque, puisque maintenant on dit Miss Hauts-de-France. Hauts-de-France, voilà, ouais, nous sommes des autistes. Si... Je ne sais pas s'ils vont changer l'appellation par contre. Bah, je ne sais pas, mais ceci dit, donc, je pense aussi à Cheryl également, qui était bien montée, qui était devenue Miss Valenciennois. Qui était bien montée. Oui, et je vais te percuter aussi. Dans les deux sens du terme, voilà, dans les deux sens du terme, voilà, que je croise de temps en temps d'ailleurs, et qui m'avait parlé d'Iris, et effectivement, m'avait dit qu'elle était bien partie, mais de là à savoir qu'elle devienne Miss Univers. D'habitude, c'est souvent des Brésiliens. On ne sait pas trop, monsieur. Non, mais il faut être honnête. Miss Univers, en général, elles sont refaites. C'est Philippines. Du haut jusqu'en bas. Le truc, en fait, c'est qu'ils ont le droit d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Ben oui. Et Iris Mittenard, non. Vu qu'elle elle a concouru pour Miss France. Donc, forcément, au concours Miss France, ils n'ont pas droit à la chirurgie esthétique. Donc, mais par contre, ils lui ont dit que c'était elle qui avait le plus beau corps de toutes les candidates. Sur 86, quand même, c'est fort. Ah ouais, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. D'ailleurs, on va essayer de prendre contact avec Iris, hein, pour que... Mais à l'époque, on aurait pu. Mm-hmm. On aurait pu. Mais surtout, Iris, elle est d'Aluin à la base. Oui. Elle est d'Aluin. Oui, bien sûr. Ah, bah, tu penses bien, Gaston, il est content. Ah ouais. Par contre, je ne sais pas s'il a envie de revenir ici, Gaston. Si vous vous rappelez quand même, Gaston Dassonville, qui est le maire d'Aluin, était venu ici, a dit mais Sherlock, il fait de l'humour à deux balles. Je me souviens, oui. Gaston, on l'adore, évidemment. Le plus beau, d'ailleurs, c'est Gaston qu'on embrasse au passage. Hein. Bah oui, non, mais quelqu'un de très accessible. Non, mais sérieux, j'ai apprécié. Franchement, un bon maire. Et puis d'ailleurs, de toute façon, je pense qu'il est prévu que nous continuions à couvrir Miss Aluin. Oui. Donc là, ce sera dans les semaines à venir. On aura encore des contacts avec Gaston Dassonville, hein, donc le maire d'Aluin, bien évidemment. Au passage, puisqu'on parle des Miss, on aura également la visite de l'ensemble de toutes les candidates de Miss Moucron. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, ça fait plaisir à Flipkat. Ah oui, ça c'est pas une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et ben voilà, donc elles viendront chez nous, alors je pense que c'est première semaine de mars, si je ne m'abuse, certainement le 8 mars. D'accord. Si ma mémoire est bonne, Canon a vu ça pour organiser un peu tout ça, et puis on aura également d'autres groupes qu'on va recevoir. Alors pour des raisons techniques, on a un peu décalé notre programmation, puisqu'effectivement on devait recevoir ce soir Alain Val, qu'on recevra, alors peut-être pas la semaine prochaine puisqu'il y a Didier Stéphache, mais la semaine d'après, puisque pour des raisons techniques, effectivement, nous on n'a pas de retour, on n'arrive pas à entendre ce qui se passe dans les studios, et c'est un peu gênant quand on reçoit donc un artiste, donc c'est un peu décalé, mais ceci dit, d'ici une ou deux semaines grand maximum, on reprendra notre programmation normale, et il y a quand même pas mal de belles petites choses qui sont prévues, donc voilà. Ok. J'en prends. C'est cool. Ben oui, c'est cool. Attends, adieu. De quoi? Ça valait le coup que tu prennes la parole, c'est cool. Mais j'essaie de participer. Alors, et toujours dans les événements, tiens, il y a plein de bonnes choses qui se passent. Je ne sais pas si vous connaissez la fanfare qui vit à Étainpuis, ou si vous en avez déjà entendu parler. Moi, ça ne me dit rien. Alors, ça se passe à la salle de la Redoute, c'est tous les ans. Et cette fois-ci, ça se passe donc le 11 février, donc au soir. Donc, la fanfare qui vit, c'est un certain nombre de fanfares. Alors, je ne sais plus s'ils sont deux, trois, qui viennent donc faire la première partie de la soirée. Il y a une ambiance du feu de Dieu. Et ensuite, ça finit en sono, avec une belle ambiance musicale. Non, sono. Donc, ça se passe... Hein? Il avait mal compris. J'ai mal compris. Non, ça finit en sono, ouais. En ? En sono. Sono, ouais. Oui, oui, oui. T'avais compris quoi, s'il te plaît ? En sodo. Merci, fallait que tu la sortes à cette heure-ci. Merci. Bah, en sodo, c'est... En sodo, en deux mots, hein. Un coup de sodo, quoi. Oui, c'est ça. Sodo, en un mot, c'est à partir de 10 heures. Ça fait deux tournées déjà, hein. Je te le dis au passage, mais... Il y a Charlotte qui se cache, qui a fait « Oh non, non !» Bon, hey, ceci, oui. Donc, c'est le 11 février, donc c'est à la salle de la Redoute, donc elle est un puits. Une belle soirée. Si vous voulez plus d'informations, vous tapez rétro fanfare qui vit. La Retro, fanfare qui vit, pardon. Mmh. Fanfare qui vit. Sur Facebook, alors ça c'est très vite, ça se remplit très très vite, mais c'est une très très belle soirée où on passe du bon moment. Non, sérieux, ouais. Franchement, ah oui, oui, non, c'est blindé tout le temps, c'est tout le temps blindé. J'ai eu l'occasion d'y aller deux fois. Bon, cette année je pourrais pas y aller malheureusement, mais en tout cas, c'est un bel événement. Donc, bah, si vous voulez plus d'infos, même vous allez directement sur la page de Lorraine, tiens, Lorraine oui. Lemoine. Qui en fait partie aussi de l'organisation et si vous aimez la fanfare et si vous aimez la bonne ambiance, franchement ne ratez pas le rendez-vous. Donc c'est le 11 février, je pense que c'est à partir de 19h 19h30, et c'est à la salle de la Redoute, donc à Étain-Puy. Faites vite. Alors la particularité, c'est qu'effectivement alors j'ai un message contradictoire là. Tu me dis quoi là, Touquette? Alors bah, c'est bien ça, oui. Donc c'est à la déroute. C'est donc ça. C'est le 11 février donc 2017 à 18h. Voilà, donc salle de la Redoute à Étain-Puy, la fanfare qui vit, donc qui fête donc sa 7e Sainte Cécile. C'est la Sainte Cécile. Alors au mois de février, ils ont pris un peu de retard, mais bon, c'est comme ça. C'est un peu belge, mais c'est comme ça. Mais la fanfare qui vit, c'est vachement bien. Donc il y a que 140 places donc pour le repas, et la particularité du repas c'est que c'est un bar à soupe. Et c'est vraiment sympa. Et vous avez une quinzaine de soupes complètement différentes. Soupe à la châtaigne, soupe au camembert, soupe au chou-fleur. C'est vraiment bien. Soupe vraiment. À l'ail, tout ça. Ouais. Et ben oui, il y a de la soupe à l'ail aussi. Soupe à l'ail. Ouais, bah, tu finis la soirée seule, hein, par contre. Ouais, ça, ouais. Non, parce que tout le monde en boit de la soupe à l'ail, donc t'inquiète. Là, t'emballes pas, là. T'entends tout cela de baraque. Bah, non, mais attends, si, non, ça, c'est une très très bonne soirée. Donc voilà, tu finis la soupe à l'oignon, tu vois. Ouais, tu peux s'en prendre, hein. Tu aimes la soupe à l'oignon, toi? Ah, ouais, j'adore. Tu préfères peut-être la soupe de langue, je crois. J'ai déjà pas une tête, pardon. Non, rien. Bon, allez, eh ben, on va continuer en musique, parce que d'ici quelques minutes, évidemment, ça va être le Rétro Ciné 80. Donc, et comme on va mettre 10 secondes pour trouver le film. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Ouais, j'espère que non, mais moi, je me suis régalé à revoir ce film. C'est vrai? Ouais. Ah, enfin, Emmanuel. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Alors bah là, on va faire une petite coupure musicale avec Ryan Paris et Dolce Vita. Ah, j'adore, oui, qu'on a eu l'occasion d'avoir en interview d'ailleurs il y a quelques années. Et ensuite, un petit peu dans le même style avec Ivan et Fotonovela. Oui, ah bah tiens. Tu vois, on reste toujours un petit peu dans le même esprit. Bah c'est un peu l'Italo Dance. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est musique de lover, quoi. On était parti avec ça. Avec oui, bah déjà, précédemment. On continue. Dolce Vita, musique de lover, Ryan Paris. Si, j'ai une comique qui m'a envoyé texto, elle a mis c'est musique de lover, quoi. Ce qui était passé juste avant. Ah, juste avant, ouais, mais pas Ryan Paris. Ouais, non, mais bon, c'est toujours... quand même, c'est aussi la musique, quand même, générique de Camping, quoi, le film Camping. Donc, oui, exact. Musique de lover. C'est vrai que ça a été repris, ouais. Ouais, si, lover en carton, quoi. Ouais, bon, allez, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Nobody else than you. I pull your fields away. We live it like in a Dolce Vita, a game of yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. This magic's gone in the Dolce Vita. Nobody else than you. It's all night together with our love again. fameuse, Harry. Montons vite dans la DeLorean et partons vers l'année 1985. Français, Français, on vous tient poli. Tu fais bien Jean-Marie Le Pen. Je ouais. Merci. N'est-ce pas? Merci, n'est-ce pas? Alors, un film qu'on connaît tous, évidemment. Mais j'espère. Ah bah ouais. J'espère bien. Bah moi, je le connais forcément. Je l'avais déjà vu. Je l'avais vu à la télé. Ouais. Je l'avais pas vu au cinéma. Alors que le film a quand même fait 509 573 entrées au cinéma. Bah en même temps, en 1986, t'avais quel âge, mon ami? Ouais. En 85, j'avais 8 ans. Bah, mon Dieu, t'as pas dit 86? Non, 85. T'avais 8 ans, t'allais au cinéma à 8 ans, peut-être? Ouais, pour aller voir des dessins animés, sûrement. Ah. Mais là, c'est un film, c'est pas un dessin animé. D'accord. Donc, alors. On met sur la piste, déjà. Oui, c'est un film. Un film de Jean-Pierre Vergne. Bon, c'est un film français, alors. Oui. Ouais, forcément. Avec une musique de Gabriel Yared. Oula. Est-ce que ça te dit quelque chose? Absolument pas. Flip 4. Pas du tout. Au lieu de chercher sur Internet... Ah, mais je veux pas tricher. Ouais, fais gaffe. J'étais à l'œil. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc oui, le film a fait 509 573 entrées au box-office français, et il a eu une nomination au prix du meilleur film au Festival International du Film Fantastique de Porto. D'accord. Et c'est un film français? C'est un film français. Un film fantastique? Ouais. Français. Français, c'est pas fantastique, en fait. Ah. C'est ça le pire. C'est qu'il a eu une nomination au film fantastique. C'est que des acteurs français? Oui. Est-ce qu'il y a une chanson de Francis Lalanne dedans? Non. D'accord. Ah, tu pensais à quoi, au passage? Ouais. Non, c'est pas ça. D'accord. C'est pas le passage. Alors, je vais te faire écouter une musique qu'une des actrices chante dans le film. D'accord. C'est celle-ci. The sky is turning black. I'm still alone. I'm waiting for your voice nearby the phone. The same emotion every night. Same obsession I can't fight. I wanna be killed by you. Nobody else but you. I wanna be killed by you. Nobody else but you. Poo-poo-pito. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, elle est connue, celle qui chante. Oui, elle est connue. Elle est chanteuse à la base ou pas? Non, elle est pas chanteuse. Non, elle se débrouille plutôt pas mal. Oui. Elle est actrice. D'accord. Ouais. Elle est actrice. Alors, je peux vous donner des noms d'acteurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont connus, justement. Ouais. Il y a Pierre Repp, Michel Cremades. Attends, ils sont connus. Oui, bah... Pierre Repp, oui. Oui. Ah bon, c'est lui qui faisait Contrepétri à tout bout de champ. Non, ça me dit rien. Ouais. Alors, Michel Cremades. Non. Un petit frisé, il faisait souvent des rôles de méchant ou comique. D'accord, ouais. Avec une petite moustache. Julie ouais. Arnold. Oui, bien sûr. Oui, qui jouait Sophie dans femme, Marc d'ailleurs. Et Sophie. Bien sûr. Ah, oui. Jean-Yann. Ah bon, ouais. D'accord. Jean Reno. Oh, okay. Jean Reno. Michel Galabru. Ouais. Darry Cole. Michel Constantin. Mais oui. Jean-Claude Brialy. Celle qu'on entendait, ouais, c'était Clémentine Sélarié. Est-ce qu'il y a un super-héros dans le film? Pas du tout. Ah d'accord. Oui, non. Ah non, je vois pas. Patrick Sébastien. Ah bon? Ouais. Dans son premier rôle. Alors. Et le dernier, peut-être, parce qu'on l'a pas vu souvent. Si, si, il a rejoué dans deux ou trois films depuis, mais. Ah bah ça alors. Ah. Et c'est pas un film de la Seconde Guerre mondiale? Ah non. Mais je vois à quoi tu penses. Ouais, non, je vois pas. Tu pensais à quoi les... Papy fait de la résistance. Papy fait de la résistance. Oui. Non, ouais. C'est pas ça. D'accord. Okay. Alors, je vais vous passer un extrait sonore. C'est un extrait de dialogue du film. Écoutez bien. Alors. Vous allez me demander quel rapport il y a entre les criminels et les animaux. Je suis sûr que vous allez me demander quel rapport il y a entre les criminels et les animaux. Si vous m'aviez demandé quel rapport il y a entre les criminels et les animaux, je vous aurais répondu la chose suivante. Les animaux sont criminels et les criminels sont des animaux. Les animaux n'ont aucune contrainte morale, ils peuvent tuer impunément. Tandis que l'homme, et je puis affirmer sans tomber dans l'erreur d'un anthropomorphisme idiot et aveugle, ne peut commettre l'acte de tuer sans frein sensible au niveau de l'inconscient. Il y a pour ça deux solutions, la guerre, admise consciemment, et le crime, considéré socialement. Tu dois pas comprendre. Animal, tué, pas punition. Homme, tué, prison, pas beau. Coupé tête. Alors, coupé tête. Est-ce que ça vous dit... C'est une comédie, alors. Oui, c'est une comédie, ouais. Mais je vois pas le rapport avec le fantastique, c'est pour ça que ça me... Ben ça non, me... mais c'est... Ouais, c'est... Je sais pas pourquoi ça a été nommé au Festival Fantastique de Porto, j'ai pas compris non plus, mais bon. Ouais, ce qui m'inquiète le plus, c'est la diversité, la brochette d'acteurs qui sont pas forcément contents en point. L'un de l'autre, je veux dire, qui ont pu jouer dans des films... Mais je vais pas vous donner les... Non. Parce qu'il y a 5 acteurs principaux. Ouais. Mais si je vous les donne, vous allez forcément trouver. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, ça me parle moins, là, mais... Mais bon, c'est vrai qu'après, je vous ai donné quand même pas mal d'acteurs. Ouais. Je peux les reciter, hein, quand même, pour les plus connus. Il y a Jean-Yann, Jean Reno, Michel Galabru, Darry Cole, Michel Constantin, Jean-Claude Brialy, Clémentine Célarier, Patrick Sébastien. C'est quand même une belle brochette d'acteurs. Michel Constantin, j'adore. Oui. C'est lui qui a joué dans Les Morphalous, on est d'accord. Ouais. Hein. Ouais, oui. J'adore beaucoup. J'adore beaucoup. Avec une gueule, quoi. Ouais. Mais c'est pas, est-ce que c'est pas un film sur l'Antiquité ou un truc comme ça? Non, pas du tout. Alors, je vais vous repasser un autre extrait sonore. Ouais. C'est encore un extrait de dialogue. Mm-hmm. Écoutez bien. Alors, hop. C'est celui-ci. Tout a commencé le 19 février. Moi qui comporte 29 jours. Prenons le nombre de jours qui sépare le premier crime du deuxième, c'est-à-dire 13. Que nous soustrayons du chiffre 29 noté ici, nous tombons sur le chiffre 16. Que nous soustrayons alors du chiffre 19 noté ici, 16 moins 19, 3. Troisième crime, troisième secteur, tout se tient. Par la suite, les choses se compliquent un peu. Code ici du Y qui est égal à 20 degrés. 20 degrés que nous rajoutons à 40 qui nous donne 60, moins 50 ici qui correspond à l'âge de la dernière victime, ce qui nous donne 10. Le prochain crime aura lieu dans le 10e secteur. Logique, non? Oui, mais il y avait plus simple. Je prends 17 moins 7, ce qui nous donne 10. Le compte est bon. Si, enfin, ça me parle. Alors maintenant, est-ce que ça a un rapport avec ouais, je vais peut-être dire une bêtise, mais un acteur qui a décidé soi-disant de s'installer sur des chats? Non. Un acteur qui a décidé de... Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. Alors, tu pensais à Gérard Depardieu? Ouais, bien sûr. Tu pensais à quel film? L'inspecteur Laverdure. Non, pas du tout. La Bavure, peut-être. La Bavure. Mais non, la Bavure, c'est Coluche. Ouais. Bah ouais, c'est avec Coluche, ça, ouais, c'est avec Coluche et Depardieu, mais non, pas de rapport avec ça. Je sèche totalement. Mais effectivement, il y a des histoires de crimes également. On entend des choses là dans le public. J'ai l'impression que Marilyn et Touquette essayent de regarder sur Internet pour retrouver le film. Ah bah bien sûr, non mais là par contre, non, c'est pas possible. Alors si vous retrouvez le film, ne le dites pas, hein, parce que j'ai bien envie de les coller. Même s'il y a Chuck Norris qui joue dedans. Hein. Alors, je vais vous passer un autre extrait de dialogue. Ouais. Là, j'espère qu'avec celui-ci, vous allez trouver quand même. Ah bah écoute. Parce que franchement... Bah, j'aimerais bien parce que là, je sèche. Bah, moi, je vous pareil. Allez, c'est parti, c'est celui-ci. T'es sûr que c'est chez toi ici? Oui, pourquoi? Tu t'appelles plus Marcel Bichon? Non. Mark Bichon. Je préférais avant. Excuse-moi. Mark. Alors. Ah, c'est fini déjà? Ouais, c'est assez court. C'est un peu court. Alors, le gars dit, tu t'appelles plus Marcel Bichon? Il dit non, Mark L. Bichon. Mark L. Bichon, et il fait gratter les lettres sur la porte de son bureau pour... Alors, ouais, il les fait coulisser, en fait. Oui. Il fait coulisser les lettres. Effectivement, Philippe Gatt, apparemment, a l'air d'être... Ah ouais, bah, je vois le film. Et tout à l'heure, j'avais un doute, et j'allais te poser la question s'il jouait dedans. Je ne vais pas mentionner l'acteur. Bah si, parce que... Non, il ne l'a pas mentionné. Bah tu peux. Est-ce que tel acteur joue dedans? Didier. Oui. Didier comment? Didier Bourdon. Ouais. Effectivement, Didier Bourdon joue dedans. Mark Albishan, ouais. Ouais, Mark Albishan. Ça me dit rien du tout. C'est vrai ? Ah ouais, je te promets, hein, je t'assure. Au lieu de Marcel Bichon. Bon, eh bien écoute, les autres acteurs, donc, parce qu'il a donné un des acteurs principaux, donc il y a effectivement Didier Bourdon, mais également Bernard Campan, ouais. Pascal Légitimus, Smaïn et Seymour Brossel. Ah ouais, oui, bien sûr. Alors ? C'est un rapport avec... un rapport avec le beurre. Avec le beurre ? Ah tu bah penses non, à quoi, l'œil au beurre noir ? Bah ouais. Non, c'est pas ça. Il y a Smaïn, mais c'est pas ça. Ah bah alors. Dans l'œil au beurre noir. Ah, c'est pour ça que tu dis le rapport avec le beurre. Je vais te donner le pitch du film, tu vas peut-être retrouver. Donc un tueur en série assassine des femmes en les assommant avec le combiné d'un téléphone et signe ses forfaits en plantant le cadran du téléphone sur le front de ses victimes. Le détective privé Mark Albishan, de son vrai nom Marcel Bichon, en quête de notoriété, se lance dans la traque du tueur. Pour l'aider, il fait appel à des amis d'enfance, Franck Potin, propriétaire d'un bar en mal de clients, et Blackie, animateur d'une radio stationnée sur un bateau. Il compte également sur Momo, son adjoint et homme de ménage, et Hugo, un reporter photographe qui lui aussi est sur la trace du tueur. C'est pas le... Oh, j'ai réussi à te coller là-dessus. Est-ce que ça a un rapport avec un téléphone ? Oui. Oui, bah oui. Non, bah oui. On m'a donné un indice. Je crois connaître le titre du film, mais ça me dit rien du tout. Mais C'est le... toujours... Deux fois. Ouais. C'est ça ? C'est voilà. Ça, ouais. Bah allez, vous pouvez le dire. Bah, le téléphone sonne toujours deux fois. C'est ça, le téléphone. Je vois pas du tout ce que c'est. C'est vrai ? Bah non, c'est Marilyn qui me fait le signe du téléphone deux fois. Effectivement, ouais, c'est le téléphone sonne toujours deux fois, donc... Oui. Ouais, c'est le tout premier film, on va dire, des Inconnus, qui s'appelait pas Les Inconnus à l'époque. Il s'appelait Les Cinq, parce qu'il y avait Seymour Brossel et Smaïn. Ouais. C'était pendant l'époque du petit théâtre de Bouvard. Mais d'ailleurs, ils étaient pas trois à l'époque. Hein. Bah non, ils étaient cinq. Ouais. C'est ce que et après, ils ont été quatre. Oui, parce que Smaïn est parti. Ouais. Et après, ils sont devenus trois. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah merde, tiens. Alors donc, et ils ont également fait une chanson pour le film qu'on entend un peu régulièrement dans le film. sous le nom de Cactar & Co. Et ça s'appelle Box Just Box. Donc boîte, juste boîte. Et je vais vous le passer juste là. Écoutez, ça donne ça. Voilà, donc là c'est Box Just Box de Cactar & Co. Donc Cactar & Co, c'est les Inconnus, hein, en gros. D'accord. Bah écoute. On reconnaît d'ailleurs Didier Bourdon au début qui chante. Donc le téléphone sonne toujours. Toujours deux fois. Voilà. Ça me dit que. Enfin, le titre me parle, mais après le film. Donc alors que le petit théâtre de Bouvard bat son plein, certains de ses membres tournent ensemble dans ce film. Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus, Smaïn et Seymour Brossel, qui fondent Les Cinq. Groupe prédécesseur du plus célèbre Les Inconnus, d'après certaines critiques, certains critiques, même ce film, à l'humour au second degré, aurait même inspiré les nuls pour la Cité de la Peur. Mmh. Ah ouais ? Eh ouais. Bah ouais, pourquoi pas. Le téléphone sonne toujours deux fois, donc est une parodie de film noir. Le titre est d'ailleurs une référence directe au Facteur sonne toujours deux fois de Tay Garnett, dont Bob Rafelson signa un remake en 80. Avec Jack Nicholson et Jessica Lange. Ah oui, bien sûr, oui, celui-là, ouais, terrible. Bon, l'histoire n'a rien à voir, hein, non, par contre, sûr. Mais ils ont repris le titre et ils ont fait le téléphone sonne toujours deux fois. On entend à plusieurs reprises la chanson, donc Box, Just Box, qu'on entend là en fond. du groupe Cactar & Co, pseudonyme pris par Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus pour signer leur premier titre ensemble. Donc c'est vraiment eux qui l'ont fait de A à Z, quoi. D'accord. Bon, ça veut rien dire. Hein, Non, bah j'imagine. C'est Once Upon a Time, machin. Bah oui. Même au début, on entend Chocky Chocotte. Enfin, c'est n'importe quoi, mais voilà. Ça sonne et à un moment, on l'entend, ils sont deux dans fois. Une boîte de nuit gay. Et on entend ça tout le long, quoi. Donc la boîte de nuit gay, ça fait style Blue Oyster. Un peu Circle. Voilà. Ouais, c'est le Fucking Blue Boy. Ouais, Fucking Blue Boy, quoi. Ouais. Les mecs en cuir, la casquette, latex, motard, ouais. Machin. Et donc avant un de réaliser. Un peu comme Slipcat en fait, j'avais jamais pas capté. Non, j'ai un perf, c'est tout, point barre. Ah d'accord. Et donc avant de réaliser Le téléphone sonne toujours deux fois avec Les Inconnus, Jean-Pierre Vergne avait déjà dirigé un autre groupe de comiques français, c'était Les Charlots en 80 pour Les Charlots contre Dracula. Mon Dieu. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, une vraie série B quoi. Ouais. Mais là, le téléphone sonne toujours deux fois, c'est une série B aussi ou Ouais, ça fait série B, mais ouais. Mais voilà, c'est assumé. Ouais. C'est assumé, c'est l'humour des inconnus, donc on ressent déjà l'humour un peu absurde. Bon, on l'a entendu quand ils font Le Compte est bon, hein, déjà c'était ouais, c'est ça, c'était ouais, déjà dans le style. Absolument. Bon, j'ai coupé un petit peu, mais la séquence est beaucoup plus longue. Hein. J'ai encore coupé dedans, mais effectivement, c'était dans l'esprit. Quelques voilà. Anecdotes sur le film ? Bah c'était ça. Ah d'accord, ok. Bah ok. Flipkat, tu l'as vu toi ? Oui. Ah bon, ok. Et à un moment, c'est la scène qui m'est revenue avec Mark Albichon, la porte et les lettres. Ouais, c'est ça. Ah, ça gabarit du style colombien. Mais dès le départ, hein, on voit Didier Bourdon qui dit c'était un soir de février ouais. ou de juillet, je ne me souviens plus très bien. Donc tu vois déjà dès le début, t'es mis dans l'ambiance ouais. quoi. Tu te dis le truc, ça va déjà partir en sucette pour. Pour n'importe quoi. Ah bah, je regarderais peut-être, tiens. Mais t'as envie de regarder parce que tu te dis, mais merde, c'est qui le tueur ? C'est qui alors le tueur ? Ah bah, je vais pas vous le dire. Tu vas pas le spoiler. Mais par contre, non, je vous invite à regarder le film. Dès demain, vous pourrez le retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur la page Sherlock. Et j'attends vos commentaires en retour pour me dire ce que vous en avez pensé. Et bah écoute, ça marche. Véro, tu l'avais vu toi ? Non, ça me dit rien du tout. Ah ouais, non, le titre me parle, mais après, non, le film, je ne l'ai pas vu. Mais, eh ben, il a réussi à nous coller. Ah, peut-être pas Flipkat. Non, Flipkat l'a trouvé quand même. Ah ouais, Flipkat l'a trouvé. Mais je suis content, j'ai réussi à te coller. Ouais, c'est surtout toi, en fait, ma cible. Ah ouais, ouais. Attends, tu vas chercher des films, tu vas aller chercher très loin, là, mon ami. Ah ouais, mais écoute, j'essaye de balayer large au niveau des années 80. Hein. Ah bah alors là, tu vas nous sortir une série B, un de ces quatre. Oh bah, il y a de quoi faire. Genre Amityville. Mais j'y ai pensé. J'y ai ouais, pensé. Alors, c'est ce genre de film, waouh, il va trouver ça. Oh, il y a moyen. Si, il y a moyen. Trouverait si, trouverait si, je peux toujours trouver. Eh bien, écoute, merci pour cette rétrospective. Mm-hmm. Ça va peut-être donner envie à nos auditeurs et auditrices d'aller voir, ou de revoir, plutôt, de revoir. Oui, j'allais dire. Aller, ça va être un peu emmerdant, mais d'aller voir, donc, Le téléphone sonne toujours deux fois. Donc, voilà. Donc, il y a un film français, comédie française, dont le titre parle déjà de l'histoire. Hein. Ben ouais, c'est ça. Mais non, moi j'ai bien aimé. Franchement, je me suis éclaté à regarder le truc. C'était sympa, moi j'ai bien aimé. Ouais, mais ça, c'est pas un gage de qualité. Hein. C'est pas parce que tu dis que t'as bien aimé que. Ouais, mais bon, mais enfin, il faut le regarder sans se dire ça va être un grand film. C'est un film où il faut pas se prendre la tête, quoi. Tu regardes et tu te marres un bon coup, quoi. Tu décompresses, voilà. Ah, ok. Ça marche. C'est un bon petit film pour décompresser. Un peu comme Radin, tiens. Moi j'ai vu Radin. Ah, bah vas-y, bah, parle-nous un petit peu de Radin. Alors Radin, c'est du Danny Boone, évidemment. Alors on aime ou on n'aime pas. Danny Boone reste égal à lui-même. Et parfois c'est dommage parce que c'est redondant, quoi. Danny Boone, bah, il arrive un moment, c'est bon. Et Radin, en fait, c'est un film, il y a deux parties. Il y a une partie qui est très comique, qui se veut comique, mais c'est tellement... c'est des clichés, quoi. Mm-hmm. Les clichés du Radin, bon... Il y a des fois, oui, tu souris, mais c'est pas hilar. Et il y a une deuxième partie qui est très, très triste, quand même, vraiment. D'accord. Et là, on se demande où est-ce qu'on va. On va dans le mélodrame, il est sérieux, il est pas sérieux, machin. Je vous invite à aller le voir, juste rien que pour ça. Parce qu'il y a un moment, tu bascules dans le film pas du tout comique. Et on se dit, il fait exprès, il fait pas exprès. Et il y a un jeu d'acteur entre lui, sa fille, sa femme. Enfin bref, allez voir le film, enfin... Mm-hmm. Acheter le film, j'en sais rien, ou télécharger le, faites comme vous voulez, mais j'étais agréablement surpris, dans le sens où, effectivement, je m'attendais à un film comique. Et c'est pas comique du tout. D'accord. Et c'est Je le regarderai, tiens. On part plus sur un toc, qui est le fait d'être mesquin, d'être radin. Et c'est, au bout d'un moment, ça devient énervant, parce qu'il est très énervant dans le film. Et même d'avoir de la peine, on finit par avoir de la peine pour ce mec en disant mais c'est pas possible qu'il, qu'il fonctionne comme ça, qu'il soit aussi radin. Mais il y a des gens comme ça malheureusement. Oui. Et après, ouais, c'est clair. Et après, donc voilà, il y a un retournement de situation qui fait que on part sur le film un peu, mélodrame quoi, vraiment. Sur la fin, on est sur du mélodrame et on n'a plus envie de rire. Donc j'ai pari en regardant Radin et. J'étais plutôt surpris, agréablement, c'est peut-être pas le mot juste, mais surpris. Je me dis, un drôle de film quoi. D'accord. Ce matin, sur la route, j'entendais justement en parlant de Danny Boone, il annonçait en fait que son spectacle qui est en cours, notamment Les Hauts-de-France, c'est l'un de ses derniers spectacles. Il a pris la décision d'arrêter et de se consacrer un peu plus à monter des spectacles et au cinéma aussi. D'accord. Oui. Plus du cinéma alors. Oui. Bah là, le film Red Dingue, j'ai bien envie de. Ouais. De voir. D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure. Quand je dis des spectacles, c'est, il entendait des pièces de théâtre. D'accord. Ouais. Bah pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est un très bon acteur. Et en l'occurrence, dans Radin, c'est un très bon acteur dans le style plutôt dramatique. Vraiment. Il a presque limite m'a fait arracher une larme parce que j'ai trouvé ça. Mais souvent, ce registre-là, je connaissais moins. On dit que les comiques sont très bons dans le drame. Il y a eu quelques exceptions, mais pas tout. Flip 4, il n'est pas si bon dans le drame. Bah, tu regardes Coluche. Si on me le demande, écoute. Si tu regardes Coluche dans Chat au Pantin. Oui, formidable. Même pas. Il y a plus longtemps que ça, ce qui était moins évident, qui a longtemps été catalogué comme comique, c'était Bourvil. Son dernier film, Le Cercle Rouge, il était déjà bien malade. Ah ouais. Il y avait aussi L'Arbre de Noël, très beau film. Absolument. Et un deuxième film, parlons-en, puisqu'on parle de cinéma en mi-mai, Sully. J'ai eu l'occasion d'aller voir Sully. Et c'est vrai que c'est un film. Alors, c'est plutôt un biopic, évidemment. Donc, c'est sur l'histoire de. Alors, je me souviens plus de son nom, mais il se fait surnommer Sully, le fameux avion au mois de janvier 2009 qui se crache sur la rivière Hudson. Il faut le voir, mais c'est pas du tout un film d'action. C'est vraiment l'histoire du pilote et du copilote qui sont obligés donc d'amerrir donc sur la rivière Hudson et ils sauvent tous les passagers. Et puis c'est toute une histoire plutôt de procès derrière parce que on lui reproche peut-être de ne pas s'être posé sur un aéroport voisin dont j'ai oublié les noms d'ailleurs, mais c'est du côté de Manhattan, New York, enfin bref. C'est vrai que c'est intéressant et ça l'est d'autant plus que en fait ils ont Tom Hanks prend un coup de vieux dans le film où il est grisonnant avec une moustache blanche. Comme quoi c'est un acteur complet quoi, honnêtement. Et ce qui est d'autant plus sympa, c'est qu'à la fin, donc au générique du film, on voit les vrais et on voit le vrai pilote, on voit le vrai copilote, on voit aussi les gens qui ont été sauvés et ils se ressemblent, mais énorme quoi. Ils ont fait en sorte que Tom Hanks ressemble à son personnage puisque c'est une histoire vraie à l'origine, qui était un peu romancée à mon avis évidemment, puisque on a rajouté un petit peu d'effets spéciaux, on a rajouté un peu de trucs, mais pas inintéressant. Mais après, c'est du bon Clint Eastwood quoi. Parce que c'est du Clint Eastwood, on est d'accord. C'est du Clint Eastwood, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a beaucoup de parlotes, il y a beaucoup de dialogues. Il y en a qui aiment pas, mais c'est pas le film d'action. Je m'attendais au film d'action. D'ailleurs, m'attendais tout de suite à ce qu'est le crash. Et le crash n'a pas lieu tout de suite. Il y a toute une histoire avant, on revient en arrière, machin. Bref, c'est du Clint Eastwood, on est d'accord. Mais allez le voir, il est encore dans nos salles obscures, allez le voir, c'est pas inintéressant, c'est pas non plus, c'est pas le meilleur de Clint Eastwood. Après, il y a eu Gran Torino qui était quand même un très bon film. Que j'ai vu sur un tard. Oui. Ouais. Pourtant, j'adore Clint Eastwood. Et Gran Torino qui est excellent, Sniper également. Je l'ai pas vu. Alors celui-là, j'ai pas encore vu, mais Gran Torino qui est sorti depuis pas mal de temps déjà. C'est un des rares films de. Je l'aime bien en tant qu'acteur déjà, et j'ai tort de le voir, puis au final, je regarde. Je regrette de ne pas l'avoir vu avant. Enfin, il n'y a rien de perdu, mais c'est phénoménal ce film. Très belle histoire. Très, très bien. Belle histoire. Eh bien, moi, je vous propose une petite pause musicale après ces deux... Bon, tu peux nous mettre trois titres, allez. Trois titres ? Bon, allez. Ok. J'adore les trios. On va déjà commencer avec Richard Marx et Right Here Waiting. Mon Dieu, ouais. Ensuite, on va continuer avec Phil Collins et One More Night. Tu vois, mon Dieu, mais alors, c'est romantique ce soir. Ah, là, ouais, c'est pas encore la Saint-Valentin. C'est, hein. C'est bientôt aussi. Hein. Ah, ouais, bientôt ouais. Saint-Valentin. C'est les lovers. T'as une Catherinette pour le Saint-Valentin, ça va, c'est bon ? Ouais, je vais trouver, t'inquiète. Sinon, tu passes une annonce, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Ouais, ça a marché ? Ouais, en plus, j'ai fait une réponse, oui. Ah, d'accord. Bah, écoute, je te répondrai, Flipkat. Pardon ? Je te répondrai. Bah, elle est plus disponible. Eh non, mais à toi, je te répondrai. Ah, pardon. Non, ouais. Non, excuse-moi. Attends, pour moi, j'ai compris, je te répondrai. Je peux être ton Valentin. Ah non, c'est une Valentine qu'il faut. Même si elle s'appelle pas Valentine. Ouais. Bon. Non, ça va, c'est bon. Et donc, en troisième titre, on reviendra juste après Paul Young et Every Time You Go Away. Ah, c'est bien ça. Ah. Tu vois ? You take a piece of me with you. Yeah. Ah ouais, j'adore. C'est ça. Allez. Thanks. Just stay. Salut, c'est partenaire. Salut, c'est particulier. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la recherche. Partenaire particulier. Qu'on retrouve évidemment dans la distribution donc du concert Top 50 hein, qui tourne encore. Je pense qu'il y aura une date bientôt sur Lille. Aller à l'info. Alors partenaires particuliers qui se sont reformés puisque à la base c'était Eric et Pierre. Eric est resté et le deuxième je me souviens plus le prénom d'ailleurs. Sherlock. Je sais plus non plus. Non plus. Voilà donc un vieux pote aussi qui est venu rejoindre donc la formation et en sachant que partenaires particuliers étaient trois à l'origine. Est-ce que tu te rappelles? Eh bien ils étaient trois. Ils étaient trois à l'origine et il y en a un qui est parti en route parce qu'il croyait pas à l'aventure et je pense qu'il nous en avait parlé d'ailleurs. Oui, exact. Et que c'est au moment où il est parti que ça commence à fonctionner. Exactement. Ouais, exact. Exactement. Donc ils ont fini à deux et puis le deuxième a d'autres activités professionnelles donc il a été remplacé. Mais il y a toujours Eric. Eric qui est à la voix et puis et le deuxième qui est au clavier. Alors on est allé les voir sur la tournée de Top 50. Je soupçonne que ce soit pas totalement du direct. Enfin bon, qu'ils fassent semblant de jouer au synthé. Après ils chantent. Ah non, vas-y, continue. Vas-y. Je dis tu suis Bodor. Je suis Bodor, absolument. Voilà. Mais ceci dit, ça reste toujours assez sympa. Hein. Ouais. Si vous aimez les années 80, bah, allez faire la tournée de Top 50. En plus, présentation par Eric Toesca. Marc Toesca. Marc Toesca, pardon. Marc Toesca, c'est un cousin, mais il n'est pas dit. C'est ça, ouais. Marc Toesca, voilà, où vous aurez forcément Sabine Paturel, Caroline Loeb, Vivien Savage. Jean-Pierre Mergan aussi également qui est là, qui fait partie les de Powo. Les Powo. Et puis il y en a d'autres je pense qui se sont greffés donc à la tournée que vous pouvez retrouver. Il y a aussi si vous aimez la tournée des années 80 Star 80 qui va revenir. Oui, bien sûr. Alors Star 80 qui sort un deuxième épisode du film. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai un peu peur quand même, parce que là pour le coup... J'espère qu'ils ont une bonne histoire derrière, quoi, parce que sinon... Déjà le premier, moi, sincèrement, j'ai pas accroché du tout, d'autant plus que c'est pas vraiment la vraie histoire, enfin voilà. Ouais, bon après, il faut... Forcément, c'est toujours un peu romancé, mais... Non, mais même si ça devient même du burlesque, quoi. Jean-Luc Lahaye, il arrive en moto, il se casse la gueule, enfin bon, c'est un peu... On sent que c'est recherché, quoi, c'est profond, c'est... Pas trop. Moi, j'ai pas aimé Star 80, honnêtement, j'ai pas aimé. Ouais. Je pensais m'attendre à la vraie histoire de Star 80. Ouais. Et effectivement, ils en ont rajouté une couche d'humour un peu trop, d'ailleurs. Et voilà, c'est pas C'est plus vendeur, hein. Non. Depuis quelques années, non, mais c'est vrai, c'est... Allez, très franchement, c'est pas ma tasse de thé, mais j'ai déjà eu deux personnes qui étaient plutôt fans de Star 80, qui avaient dit que c'était plutôt... Ça leur donnait l'impression d'être en chute libre, quoi. Ah, mais bien sûr, de toute façon, il faut quand même se rappeler une chose, c'est que c'est pas des stars en devenir, hein, c'est des stars qui viennent chanter leur vieux tube. Unique tube même. Des fois même leur unique tube. Absolument. Et tant mieux pour eux. Mais bon, voilà, quand on voit des gens comme Patrick Hernandez qui n'ont aucune actualité. Ah, bah lui, ça fait des couilles en or, hein. Excuse-moi le terme, mais. Ah, ouais. Mais il continue. Puis, oui, continue, hein, chaque fois que ça passe. Bien sûr. Ben, c'est son métier, c'est ça. Hein. Nous, on l'avait rencontré à l'époque et il m'avait dit mon métier, c'est de veiller aux droits d'auteur et faire en sorte que Born to Be Alive ne soit pas exploité de manière illégale. Tout à fait. Donc, je pense qu'il n'a pas fait que ça, de toute façon. Non. À côté de ça. Mais Patrick Hernandez a fait plusieurs titres. J'ai d'ailleurs d'autres titres chez moi de Patrick Hernandez et c'est assez étonnant parce qu'avant, il travaillait avec Hervé Tolence. Donc Hervé Tolence, ils étaient deux et c'était pas disco, hein, c'était plutôt rock, mais du petit rock sympa. C'était pas bien violent et ça fonctionnait plutôt. Bah, le son est plutôt pas mal, enfin je veux dire sincèrement, mais ça n'a pas marché à l'époque. Ouais. Et vous connaissez un peu l'histoire, hein, donc Born to Be Alive est un titre rock à l'origine. Oui, on en a parlé il y a peu d'ailleurs. Voilà, un titre rock et c'est Jean Van Loo, hein. À Moucron qui lui a proposé d'en refaire une version disco, il n'y a pas cru et Patrick Hernandez finalement a dit bah ouais pourquoi pas. Il s'est retrouvé donc si je ne m'abuse, du côté de Moucron pour enregistrer. Il a habité d'ailleurs du côté de Moucron. Il nous en a parlé. Je ne sais plus exactement, une petite bourgade qui touche Moucron et a enregistré ce titre-là sans y croire du tout. Ouais. Et ça a fait le malheur qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un titre blanche. Hein? Avec sa canne blanche. Ouais, pas forcément blanche. Hein. Eh ben, il en a plein des canins. Ah oui, non, mais je me souviens du clip où. Ouais, c'est clair. Bah, c'était un peu le style dandy. Il continue d'ailleurs un peu dans le même style avec sa canne. Pour la petite information, il n'a pas besoin de canne du tout. Non, c'était plus pour un style, oui. Ouais, c'est ça, absolument. Et donc voilà. Et d'ailleurs, reparlons un peu de cette histoire avec Madonna. Le cri haut et fort, il n'est jamais venu à Moucron avec Madonna, quoi. Mais tout le monde y croit. Donc c'est une légende. Ils étaient sur Moucron à la même période, je pense. Absolument pas. Non. Absolument pas. Mais j'ai revu encore des articles et je peux même te dire, moi j'ai le. Je pourrais vous l'apporter quand même, l'interview sonore qu'on avait passée à l'époque où il nous expliquait qu'effectivement Madonna n'était jamais venue à Moucron. À Paris, oui. Elle est venue à Paris. Il trouvait que c'était quelqu'un qui était. Un peu un but de sa personne et qu'elle avait pas envie de. Elle avait envie de faire d'autres choses que de danser pour lui. Et donc finalement, elle a jamais dansé pour Patrick Hernandez. Jamais. Ah bah, non, non. Mais il y a plein de légendes qui disent aujourd'hui, des légendes urbaines qui disent qu'effectivement Madonna a dansé avec Patrick Hernandez, ce qui est faux. C'était prévu, ça n'a pas été le cas. Elle est restée sur Paris, puis ensuite elle a mené la carrière qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Et même d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article quand même assez sympa de Jean-Pierre Mocky, qui a bien connu Madonna. Ouais. Ben, vous l'avez vu, non, cet article ? Non, pas du tout. Et donc, l'occasion, justement, à l'époque où elle était sur Paris, Jean-Pierre Mocky connaissait Madonna. Vous connaissez Jean-Pierre Mocky, réalisateur de films, alors souvent des films qui n'ont pas forcément très bien marché, mais qui ont été connus parce que un peu controversés, des films un peu particuliers, je crois, et qui expliquait qu'effectivement, Madonna, à l'époque, n'était pas bien jolie. C'est vrai que quand on regarde. Quand elle était jeune, elle n'était pas très jolie. C'est comme beaucoup d'actrices ou beaucoup de chanteuses, au naturel et à certaines périodes, n'ont pas été. Au meilleur de leur forme, mais pas au top. Tant pis, hein, je vais mettre les fans ados, mais Madonna, aujourd'hui, c'est pas une belle femme. Non. Non, elle est retapée. Mais complètement, elle a tout fait, ses lèvres, sa poitrine, ses fesses, enfin bref, j'en passais des meilleurs. Soit disant que c'est une grande sportive, j'y crois pas trop. Oui. Non, il y en a qui tiennent mieux la route en vieillissant par rapport à elle. Je pense quand même qu'elle doit quand même entretenir son corps, je pense. Parce que, peut-être. Même si elle chante en playback pendant ses concerts, elle doit quand même bouger. Donc, Oui, bien sûr. Elle bouge pas mal. Enfin, ceci dit, moi je l'ai vu il y a quelques années en concert. Effectivement, elle bouge pas mal. Après, au niveau voix... C'est ça. Le playback, on le sent très bien. Et quelqu'un qui fait des rondes jambes qui tournent dans tous les sens et qui n'a pas un seul souffle quand elle chante, on n'y croit pas une seule seconde. Mm-hmm. Un peu comme Michael Jackson à l'époque, qui dansait comme un fou et on l'entendait pas souffler. Enfin bon, moi je veux bien, je veux bien tout entendre, mais il arrive un moment, bon, ça fait partie du show. Je pense qu'on met un petit coup de playback et puis voilà quoi. Ouais, faut pas prendre ça pour des cons quoi. Non, hein, c'est clair. Et donc voilà. Tu confirmes ce que j'avais entendu dire. C'est-à-dire. Ouais, au niveau des playbacks. De quoi ? Que Madonna chante en playback ? Non, mais ne, entre autres. Ah, entre autres, mais il y en a plein qui chantent en playback. Oui, bien sûr, mais c'est évident. C'est l'évidence même. Après, c'est des gens, même parfois, quand ils sont sur certaines scènes, comme ils ne sont pas payés assez cher, ils ne veulent pas prendre de risques et ils chantent en playback. Oui. Parce que le contrat, il n'est pas assez important et ils se disent, voilà, je vais pas m'embêter, je chante en playback. Moi, je connais des groupes qui, aujourd'hui, suivant le prix du cachet, ils chantent en direct ou en playback. Et si le cachet n'est pas assez important, ils ne vont pas s'emmerder à chanter en direct. Ils chantent en playback, vraiment. Pour ne pas les nommer, Emile et Mage, c'est un peu ça. Moi, j'ai eu l'occasion de les suivre sur deux concerts. Il y en a eu un qui a eu lieu à Waterloo dans l'après-midi. Et en fait, toutes les envolées vocales de Mario, elles sont enregistrées. Et compte tenu du fait que bah, c'est le petit plateau, c'est, donc là, y a pas de, ils sont à trois, voilà, je crois même qu'il doit avoir une bonne part de playback, en plus que ses envolées musicales. Et il nous l'a expliqué, il a dit, voilà, nous, en gros, c'est un petit contrat, on va pas s'abîmer la voix, donc voilà, on chante, machin. Et le soir, il jouait à l'Hippodrome, où il y avait sincèrement 5000 personnes, au minimum. Et là, par contre, c'est en live, avec deux musiciens supplémentaires, avec des vrais instruments, avec... Et là, par contre, oui, là, il se met en danger, et puis, bon, je pense que c'est sur des contrats beaucoup plus importants. Donc, voilà, probablement. Ah oui, non, mais le son, il n'y a pas besoin de chercher d'explication à ça, sans sortir de Saint-Cyr, ça me semble évident, quoi. Ah, mais bien sûr. Quand vous voyez, par exemple, il y a un super reportage, justement, sur Christian Audigier. Christian Audigier, où il a fait venir Michael Jackson. Oui. Je sais même plus combien il avait payé à l'époque pour le faire venir à son anniversaire, mais c'était à coup de 100 000 ou 200 000 dollars, un truc comme ça, un truc de fou. Hein. Et il a refusé de chanter parce que c'était pas assez cher. Hein. Et il chantait pas. Et il arrivait, et puis on entendait la musique de Beat It. Et il arrive, il fait semblant. Il chante pas, mais carrément pas. Il s'en cache pas. Et il repart sur Thriller, et il chante toujours pas. Et en gros, on explique dans le reportage que Michael Jackson, si on ne paye pas une certaine somme, il viendra pas chanter en direct. Ouais. Il viendra pas chanter en direct et il chantait pas en direct. Et franchement, dommage, quoi. Il faudrait revoir le reportage, je crois que c'était sur les 50 ans de Christian Audigier. Oui, c'est possible. Payer son âme, puisqu'il nous a quittés il y a quelques années, mais Christian Audigier, où je sais même plus combien son anniversaire avait coûté, c'était plusieurs millions d'euros, et il s'est dit, bah, je vais me faire plaisir, je vais inviter Michael Jackson, et je crois que c'était 300 000 dollars, quoi, un truc comme ça, 300 000 dollars. Michael Jackson, il est venu, hein, bien sûr, il est venu, et il n'a pas chanté pas une seule fois en direct. Hein. Mais on peut louer des stars hein, pour un anniversaire, bon après c'est vrai que ça fait cher, ça dépend aussi des stars. C'est vrai que au plus on va taper dans les anciennes stars, au moins on va devoir payer forcément. Bien sûr. Ouais, après, c'est des forfaits aussi. Hein. Si tu veux juste qu'elle fasse une apparition, tu vas payer, je vais dire une connerie, quoi, 1000 euros. Si tu veux qu'en plus elle fasse des photos avec toi, tu vas payer 1500. Si tu veux qu'elle chante en plus, tu vas payer 3000, quoi. Ah ouais, bien sûr. Et puis après, sans compter, parce que les défraiements, c'est en plus. Hein, c'est en sus, comme dirait l'autre. En sus. Le transport, c'est le repas, et ils dorment pas dans des hôtels Formule 1. Voilà, donc ça coûte très très cher. Je me rappelle quand même de Lee John, hein, quand il est venu sur Waterloo, c'était quand même pas donné. On a vu l'hôtel dans lequel il dormait aussi. Oui, au final, il a terminé sur. C'était tourné, hein, je crois. Tourné ou Courtrai, je sais Courtrai, plus. Il me semble. Courtrai, oui. De quoi le. Lee John. L'hôtel. Oui. Non, il t'a tourné. C'était oui, non, mais initialement, il était prévu qu'on le rejoigne à Lille. Ah oui, c'est possible, c'est vrai. Ouais, La dernière minute, c'est toi qui avais eu l'info, comme quoi qu'au final, c'était en Belgique, à Courtrai. Ouais, c'est possible, c'est vrai. D'ailleurs, c'est dommage qu'on l'ait pas suivi, parce que ça aurait pu être sympa. Oui. Mais non, enfin, moi, j'ai eu ma dose. Comme, c'est vrai qu'en plus, on en était là depuis le matin, je crois. Depuis le matin jusqu'au soir. Il arrive un moment, bon, ok. Rappelons-nous en plus que le concert démarrait à 21h et qu'il n'est pas passé avant minuit, donc forcément... C'était un peu compliqué. Donc voilà. Et bien là-dessus, on va faire une petite coupure musicale juste avant ta chronique ciné, notre ami Sherlock. Oui, alors avec Nick Kamen et Each Time You Break My Heart. Ah, c'était d'ailleurs en parlant de Madonna, c'était c'était son boyfriend. Ouais. Oui, entre autres. Et d'ailleurs, ensuite... je crois même que c'est elle qui l'a produit. Hein. Oui, c'est bien possible. Ouais, je pense bien. Ouais. Et ensuite, avec un petit français, Noé Wheeler, avec Toi, femme publique. Ah ouais, et le troisième, tu vas ramener nous un petit troisième. Allez. Un petit troisième, bon, alors, je vais essayer de trouver ça. Bah tiens, écoute, je vais faire un autre truc, c'est... Tu me dis stop. Stop. Phil Barney, un enfant de toi. Ah, bah si tu veux. C'est beau, ça. Si tu veux un enfant de moi. Tu vois, mais c'est pile... Phil. Pile-fil, voilà. Poil. Allez, bah c'est parti, on s'écoute ça. Donc allez, Nick Kamen, Each Time You Break My Heart, Noé Wheeler, Toi, femme publique, et Phil Barney, Un enfant de toi, c'est parti. Each time you break my heart. C'était le mois de février. Ton ventre était bien rond. C'est vrai qu'on l'attendait. On voulait l'appeler Jason. Ce matin-là, il faisait froid. J'avais rendez-vous au studio. Et tout en soufflant sur mes doigts, je disais le petit sera un verso. Avoir un seul enfant de toi, ça faisait longtemps que j'attendais. Le voir grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Qu'il ait ton sourire, ton regard, quand tu te lèves le matin, avec l'amour et tout l'espoir que j'ai quand tu me tiens la main. Depuis on m'a téléphoné, et moi bien sûr j'ai tout quitté. Les chœurs, les cuivres et la rythmique, je devenais papa, c'était magique. Puis le taxi m'a déposé devant la porte de la clinique. Et comme un fou je suis monté, garçon, fille, c'était critique. Avoir un seul enfant de toi, ça faisait longtemps que j'attendais. Le voir grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Qu'il ait ton sourire, ton regard, quand tu te lèves le matin, avec l'amour et tout l'espoir que j'ai quand tu me tiens la main. On m'a tendu un paquet de langes dans lequel petit homme dormait. Puis on m'a dit d'une voix étrange que c'était tout ce qui me restait. Tout le monde était très gentil et moi je ne comprenais pas que dans son cœur il y avait la vie, mais dans le tien il faisait froid. Avoir un seul enfant de toi, avec l'amour et tout l'espoir que j'ai quand tu me tiens la main. Il t'aime à travers moi. Personne depuis n'a pris ta place. L'enfant est là et je l'aime pour deux. Ton image est bien trop vivace et c'est bien celle que j'aime le mieux. Avoir un seul enfant de toi, ça faisait longtemps que j'attendais. Le voir grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Il est ton sourire, ton regard, quand tu te levais le matin, avec l'amour et tout l'espoir, j'avais quand tu me tenais la main. Bonsoir, vous êtes avec Pogo sur Radio RQC 80 à l'heure. Diabolisé. Non, vous êtes toujours sur RQC 95 FM, 95 FM, ouais. Dans l'émission 80 à l'heure. Là, on revient tout doucement avec les Powo. Ah oui, oui, alors Powo, belle. Powo, alors c'est pas 80. Powo, c'est pas 80, c'est plus début 90, c'est 92 exactement, je crois. Non, alors ils se sont fait connus, ils se sont fait connaître, pardon, avec. Moi, vouloir être le chat, enfin avec le chat, ouais. Mais ils avaient déjà fait des albums avant, attention, dans les années 80, ils n'étaient pas forcément connus. Mais c'était pas les Powo. C'est vrai, c'est vrai. C'était pas Powo. Et d'ailleurs, c'était les Crocodile Rock, je crois. Les Alligators. Ou... Les Alligators. Les Alligators, voilà. Absolument. Comme c'est pas vous me demandez. Avec, ben oui, avec Alain Chenevière. Comme vous me faites chier avec les Forbans, en comparaison, je préférais nettement les Alligators pour la même époque. Bien sûr. C'était alors, déjà au niveau son, même si c'était chanté en français, c'était déjà plus proche de ce que j'ai. Alors par contre, c'est pas. Ils avaient déjà beaucoup de talent. Trouver un titre des Alligators. Ah bah oui, ce des, serait bien. Ils ont fait des super morceaux. Mais Alain Chenevière, qui est à l'origine du groupe Powo. Alors je sais pas si dans les Alligators il y avait vraiment tous. Non. Je pense non. Il y avait Alain et un des autres Powo, mais il y en avait que deux sur les quatre en fait. Il y avait Périz qui était avec eux. Je pense. Ouais, oui, c'est bien possible. Il y avait Alain et Pascal Périz qui étaient ensemble. Ahmed n'avait pas rejoint. Et alors le quatrième, il va falloir que tu m'aides, je me souviens plus comment il s'appelle. Mais donc voilà. Mais effectivement, ils avaient commencé par les Alligators. Et tu me fais bien de parler d'Alain Chenevière parce que Alain Chenevière, bon évidemment, il me fait penser à chaque fois, et toi aussi, ouais, hein, Flip 4, bah oui. À Flip 4, parce que quand on l'a vu arriver à la tournée Top 50, c'est notre pote on a vu Flip 4, quoi. Ah ouais, ouais, vestimentairement parlant, c'était toi, quoi. Ah ouais, j'en ai le rencontré, oui. Alors très bon photographe d'ailleurs. Oui. Il fait des super si vous voyez photos. sur sa page Facebook, il fait des photos excellentes. Et puis oui, il est plus rockabilly. Ouais. Ah oui, carrément. Comme dirait l'autre. Ah oui, carrément. Hein. Parce que vous lui en avez parlé, mais de mémoire, je pense qu'il est même resté très influencé par les Stray Cats aussi. Il y a forcément des doutes, oui. Je me doute que très très influencé. Et bon, moi, je reviens là-dessus, mais effectivement, on a vécu un très très bon moment, et notamment, on a pu capter les petites vocalises juste avant le concert pour faire donc moi vouloir être le chat, enfin le chat. Ouais. C'est impressionnant quand on est à côté et qu'il commence à chanter. Ah ouais, c'est génial. C'est limite, on est au bord de l'érection. Faut le dire. Et là, ils étaient accompagnés d'une des sœurs natives. Oui, qui est la meuf d'Alain Chenevière. C'est ça. Qui est la meuf d'Alain Chenevière. Mmh. Alors, donc j'ai oublié le nom d'ailleurs, très jolie femme, une belle petite black, native. Enfin, vous la connaissez, celle qui a chanté. Si la vie demande ça. Oui, et surtout Pocahontas. Ouais, aussi, ouais. C'est elle qui faisait la voix de Pocahontas, en tout cas au niveau des chansons, et effectivement c'est un bon rendez-vous. Alors moi j'ouvre une parenthèse avant que tu nous fasses ta chronique Sinoche, évidemment parce qu'on a pris un peu de retard, mais c'est l'anniversaire d'Agi ce soir. Ah. Agi, vieux pote DJ qu'on retrouvait à l'époque dans les années 90, au NIT, à la Mandarine, j'en passe, c'est des meilleurs, il en a fait, et aujourd'hui on le retrouve souvent aux arcades à tourner, et aussi au Minoy. Alors là c'est peut-être un peu moins accessible pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on avait, l'habitude de le recevoir régulièrement, il venait faire des petits sets avec Stéphache, donc Agi, c'est son anniversaire ce soir, dont on terra l'âge parce que il est disque jockey et honnêtement je crois qu'il a dépassé la cinquantaine et il est au Minoy ce soir, c'est ça? C'est possible, ouais, il y a des chances, ouais, c'est possible, c'est bien possible. S'il va se faire souffler la bougie, c'est ça? Alors je ne sais pas. Qu'est-ce que tu appelles par souffler la bougie? Sur son gâteau forcément. Voilà, il est passé 10 heures, mais bon. Mais ceci dit, Agi, On te souhaite un bon anniversaire. Je ne sais pas s'il nous écoute parce qu'il est peut-être en train de bosser ce soir, mais Agi, on l'aime beaucoup. Il était venu nous voir plusieurs fois donc dans les studios. On va le réinviter, tiens, dis donc. Oui, et, avec plaisir. Parce que vous ne le connaissez peut-être pas encore, Flipkat et Sherlock. Non. Véro connaît évidemment, puisqu'elle va régulièrement au Minoy, mais sinon... Non, mais tu peux le dire, il n'y a pas de problème. C'est, on est entre amis. J'ai jamais été et j'ai jamais. Ah, c'est la Quantus que tu avais été. Non. Ah, chez Dodo. Moi, j'ai Omakumba. Omakumba, c'est vachement plus gamour. J'ai Omakumba. C'est le Macaboum. Flipkat, oui. Tu avais un petit mot à passer. Oui, ouais. Parce que la fois dernière, tu me l'avais demandé. J'avais d'ailleurs affiché et même mis une publication. J'avais organisé un concert le 26 novembre au Relais 59, ouais. Relais de mon beau-frère, pour un groupe d'amis à moi qui joue dans un style un peu particulier. Hein, c'était les Lucky Devils. Et là, je dirais qu'à la limite, pour les gens qui veulent, pour qui ça intéresse ce genre de musique, donc néo-rockabilly, psychobilly, ils seront donc samedi prochain à la boîte à musique. Ah, bien. À partir de 19h pour officialiser la sortie de leur 6e CD. Et alors, rappelle-nous le nom du groupe. Les Lucky Devils. Et je vais relier là. C'est du rockab aussi. C'est néo-rockabilly. Ils font beaucoup. Alors l'album là est essentiellement un album qui, ce qu'on va appeler des covers de titres des années 80, dont le titre de Blondie, Call Me. Ils ont repris également en dehors des années 80 un titre des Beatles, du Clash, voilà. Ah d'accord. À leur sauce. À la boîte à musique alors. À la boîte à musique avec un groupe anglais en première partie, les Mudmen. Je mettrai donc je vais relayer l'événement sur la page. Voilà. D'accord. Hein? Bah écoute, c'est noté. Donc il y a plein de choses qui vont se passer samedi. Hein, mais, oui, je dois être sur trois endroits différents déjà samedi. Et oui, ah ouais, ça va être. J'ai pas encore développé le don d'ubiquité. Donc ne serait-ce que pas sur deux endroits différents. Ou alors tu demandes à Bébert de te remplacer. Non, il est beaucoup moins beau. Ah, ça me touche. Non, ouais. Bon, au moins quelque chose qui te touche. Je vais pas me plaindre. Je le sais. Bon, allez. Attention maintenant, c'est la chronique ciné de notre ami Sherlock. Ah oui, donc on peut pas prendre. Et oui, donc effectivement, c'est les sorties ciné de la semaine que je vais essayer de vous présenter. Je vais vous présenter. Je vais commencer par les sorties belgiques avec le film Les Figures de l'Ombre qui sort en France le 8 mars. C'est avec Octavia Spencer, Kirsten Dunst, pardon, qu'on avait vu dans les Spider-Man. Ah, oui. C'était Mary Jane. Et Kevin Costner. Ah oui. Pour ne citer que. Alors, il est revenu lui. Ouais. Ah oui, il est en surface. Bah oui. C'est un film de Theodore Melfi, donc c'est l'histoire de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, les cerveaux derrière le premier voyage spatial habité réussi par les Américains en 1962. Ces trois Afro-Américaines travaillaient pour la NASA et ont permis à l'astronaute John Glenn de réaliser son premier vol en orbite, tout juste 10 mois après le Russe, Yuri Apollo. Gagarine. Oui. Alors, cet exploit a redonné confiance à l'Amérique et a relancé la course à l'espace, puisque c'était vraiment le truc à l'époque. Pour les States, c'est oui, effectivement. C'est ça. Ouais. Et donc, entre les deux grandes puissances politiques de l'époque, et le trio visionnaire a su surpasser les questions raciales et de genre et a jeté les bases du programme spatial qui a abouti à la vision de Kennedy du premier homme sur la Lune en 69. Ah, belle année. Hein? Bon, c'est une belle année, 69. Oui. Non, j'avais compris Bill Haley. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Bill Haley? Il vivait encore, hein, mais bon, il était moins populaire à cette époque-là. Ouais, ouais. En 80. Alors, ensuite, le film Red Dingue. Ah oui. Donc, de Danny Boone et avec Danny Boone, avec également Alice Paul et Michel Blanc. Ça sort également en France demain. Donc attends, c'est Michel Blanc. Michel Blanc. Jean-Claude Duss. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Ok. Donc. C'est Johanna Pasquali, qui est jouée par Alice Paul, qui est une fliquette très nulle, qui veut intégrer le RAID. Son père est ministre, et donc il favorise son entrée dans cette section d'élite dans l'espoir qu'un stage violent mené par Eugène Froissart, dit le Poissard, qui est d'ailleurs proche de la retraite, la dégoûte de ce rêve inaccessible. Donc c'est Danny Boone qui joue ce rôle-là, qui est complètement macho et qui va en gros s'en prendre toujours à elle. Bon, il va se passer pas mal de catastrophes. Il y a eu une avant-première où il y a eu une trentaine de policiers qui étaient présents dans la salle. Apparemment, ça leur a bien plu. Ouais. Parce qu'il a quand même fait un stage au raid pour suivre vraiment leur... Vraiment ? Ouais, ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Okay. Mais ensuite... il faut dire une chose, c'est que là, elle est la fille du ministre de l'Intérieur. Oui. Attention, pas d'un ministre, de ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Ouais. Alors, sort demain en France et également en Belgique, Jackie. Rien à voir, Michel n'est pas là. Ah, d'accord. Donc c'est Jackie. Carrière solo. Ouais, c'est ça, ouais. Ça y est, ils arrêtent. Non, donc c'est Jackie avec Nathalie Portman, Peter Sarsgaard et Greta Gerwig. C'est un film de Pablo Larraín. Donc ça se passe le 22 novembre 63. John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis, vient d'être assassiné à Dallas. Confronté à la violence de son deuil, sa veuve Jacqueline Bouvier Kennedy, Jackie Kennedy, d'accord, qui était française, hein. First Lady, admirée pour son élégance et sa culture, tente d'en surmonter le traumatisme, décidée à mettre en lumière l'héritage politique du président et à célébrer l'homme qu'il fut. Voilà, donc on va suivre en fait Jackie Kennedy. Quoi, quand même, Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, biopic. Ensuite, un petit film d'animation, Sahara. C'est avec les voix de Omar Sy, Louane et Franck Gastambide. Ça, c'est fichant, mais bon. Alors, c'est un film de Pierre Coré. On n'a pas encore de date pour la Belgique, mais je suppose que ça devrait pas traîner. Donc, lassés d'être les souffre-douleurs de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pete le scorpion décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. Tu dis l'oasis voisine, pourquoi l'oasis voisine ? Ben, parce que ça se passe dans le désert, donc t'as des oasis. On dit pas une oasis, on dit un oasis. Non, c'est une oasis, je pense. Ah bon, t'es sûr ? Ouais. Ah, j'en peux étonner, là. On dit un oasis aussi. On dit un oasis, hein ? Ben écoute... Moi j'aurais dit l'oasis voisin. Enfin, l'oasis d'à côté, quoi. Tu vois ? Je sais pas, c'est masculin, et oasis. Et alors ça, je l'avais pas noté, mais je vais en parler, parce que je pense que ça va faire plaisir à Flipkat. C'est un film qui s'appelle Gimme Danger. C'est un film de Jim Jarmusch avec Iggy Pop, Ron Ashton, Scott Ashton, et en fait ça parle des Stooges. Les Stooges, oui. Donc en fait c'est le groupe d'Iggy Pop à la base. Voilà. Ah d'accord. Plus 70s en fait. Donc c'est un documentaire. Mm. Apparu pour la première fois à Ann Arbor au Michigan. Non, ouais. Bah, attends, je l'ai pas noté. Donc vas-y, lis-le alors. Ah non. Ah bah si, mais fais-le, bien, si, mais si, non, mais fais-le, non, fais-le. Mais non, je ne le fais pas. Non, bon, donc apparu pour la première fois à Ann Arbor au Michigan au cours d'une révolution contre-culturelle, le style de rock'n'roll puissant et agressif des Stooges a fait l'effet d'une bombe dans le paysage musical de la fin des années 60. Soufflant le public avec un mélange de rock, de blues, de R&B et de free jazz, le groupe au sein duquel débute Iggy Pop posa les fondations de ce que l'on appellerait plus tard le punk et le rock alternatif. Gimme Danger, le nouveau film de Jim Jarmusch... Ah non, ça c'est salaud. Donc ça retrace l'épopée des Stooges, en gros, du début jusque... je pense que c'est les années 68 ou début 70. Oui, oui. Donc voilà, je pensais que ça te ferait plaisir de savoir fait. Ça. Donc, faut le dire. Tu pourras aller le mais voir. Par contre, la fin, là, j'ai pas bien compris la fin. Bah, en fait, ça retrace cette époque-là. voilà. voilà, voilà. Et ben voilà. Et ben vous iriez voir quoi alors, Flipkat? J'hésite entre le truc là avec l'histoire de mission là de. Dans l'espace. Ouais, dans l'espace. Je vais pas dire la mission Apollo, mais... La mission dans l'espace, alors, j'ai pas retenu le titre. C'est plus ce que tu m'as raconté. Ah, les figures de l'ombre. Oui. Avec les trois femmes afro-américaines. Ouais. D'accord, okay. Mais sinon, effectivement, bah, pourquoi pas. J'aime bien tout ce qui est bio, tout ça, concernant les groupes. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup, Dieu merci, qui sont quand même acceptables, bonnes. Il y en a, franchement, sont faut dire ce qui est à chier, quoi. Donc celle-là, j'aimerais bien la découvrir, parce que c'est vrai que bah, ça sort un petit peu de ce qui est fait habituellement sur des groupes comme les Doors, tout ça. Il faut rappeler que le dernier biopic que tu as adoré, c'était celui de Claude François, Clo-Clo. Oh, mais bien sûr, c'est tout à fait... Alors, qui était pas trop mal fait. Moi, je suis allé le voir au cinéma, il était pas trop mal fait. Rien que sa voix me mais maintenant, il y a Dalida. Ouais, c'est vrai. Qui va sortir bientôt. Mais il est sorti, il est sorti. Ah, il est sorti. Il est sorti, ouais. Bah, Dalida, tu pourras aussi aller voir le biopic de Dalida. Oh oui, certainement. Et Edith Piaf aussi, la môme, franchement. Hein. Ah bah par contre, tu serais étonné, je trouve qu'il y a de très belles chansons de Piaf. Ah ouais, non mais... À quoi ça sert l'amour, entre autres. Ah oui. Ça, c'est une très belle chanson. Sarah Pau. Donc tu vois, hein, comme quoi je peux être étonnant, hein, avec c'était français. Il nous étonnera toujours, notre ami Flip 4. Véro, tu irais voir quoi? Moi, avec Danny Boone. Avec Danny Boone? Red Dingue. Red Dingue. Ok, bah moi ce serait avec Nathalie Portman. Ah ouais, parce qu'il y a Nathalie Portman. Mais j'en connais plusieurs qui aiment bien Nathalie Portman. Nathalie Portman, c'est une belle femme quand même. Ouais. Faut être honnête. Et tu sais dans quel film elle a débuté? Léon. Oui. Ah bah tu me dis ça à moi, Nathalie Portman. Et encore, je crois qu'elle en a fait avant. Ah oui, c'est bien. Elle a fait avant, c'est bien possible, connu, mais c'est vraiment évidemment celui-là qui l'a mis en exergue. Mais bon, là, à l'époque, Nathalie Portman était un peu jeune, quoi. Oui, aujourd'hui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Ok, eh ben écoute, merci pour ces sorties cinoches. Ben je t'en prie. Il nous reste quelques minutes, le temps de se faire une petite coupure musicale. Oui, eh ben tiens, je vais recommencer comme tout à l'heure la petite roulette song. Alors, roulette song. Alors, ouais, on essaie de trouver des nouveaux mots. Allez, c'est parti. Song. Stop. Mano Negra avec King Kong 5. Oh, ah ouais, mal. Sympa. Allez, on peut le faire aussi pour Véro. Ah ouais, bien sûr. Vas-y. Stop. Lionel Richie avec Dancing on the Ceiling. Ah, ok. Bien. On s'en fait un petit troisième, non? Ouais, vas-y, Flip 4. Allez. Stop. Je l'ai passé il y a deux semaines, je crois. C'est la troupe du Splendide avec C'est cela, oui. Ah non, bon, on relance la roulette. Derrière, d'ailleurs. Allez. Stop. Oula. Le dit ne me dit rien. Jimmy Ruffin and Jackson Moore avec I'm gonna love you forever. Putain, on dirait quand il nous sort ses titres, il sait pas du tout. Ben, on va découvrir ça. On va découvrir ça. Ouais, bah oui, bien sûr. Alors, c'est un titre de je sais pas quelle année en fait. Mais c'est pas grave, on va découvrir. Allez, c'est parti. Allez. Now listen to the beat of the song buzzing in my head like a bomb doll. Listen to the beat of the song buzzing in my head like a bomb doll. Truth subjected to the broken like won't be flawed. But don't about the soul while having cloud. I sing my song and I'm a rocker. I'm burning up with a put-ass fever. Beat of a song, you're buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, you're buzzing in my head. Tweets and trusted to the boogie light. Tweets and trusted to the boogie light. Tweets and trusted to the boogie light. King Kong. A beat of a song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat, a beat of a song, buzzing in my head like a bomb dong. We're standing alive, with a King Kong 5, through the King Kong drive, on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking on earth, they're talking a tea. A beat of a song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, you're buzzing in my head like a bomb dong. Twisted to the boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker, burning up with a put-ass fever. To the beat of a song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, you're buzzing in my head like a bomb dong. A beat of a song, a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat of a song, a buzzing in my head like a bomb down. Now we're standing alive with a King Kong 5, King Kong drive on the Japanese boogie. We're standing alive with a King Kong 5, King Kong drive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a brain like a chicken under the coconut tree. Listen to the beat. Yeah. Oui, donc si tu peux, tu disais, c'était donc. C'était donc Jimmy Ruffin et Jackson Moore avec I'm Gonna Love You Forever. Of course, je connaissais pas. Love You Forever. Et ça date de 84. Ça date de 84, ce titre. Je connaissais pas du tout. Moi non plus. Ça te parle, Flipkart? Pas du tout, c'est pour ça que je lui ai demandé parce que j'étais incapable. Non, j'ai pas le titre. Il y a un petit côté Jermaine Jackson, Cazadora, mais. C'est ça. En moins bien. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est une série B de. Déjà que le premier était pas mal dans son genre. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Quand tu voyais le clip de Jermaine Jackson et Cazadora. Ah ouais, le clip, il est incompréhensible. C'est du sous Mad Max. Ouais, c'est clair. Ou quand tu vois qu'ils se battent, ils sont en train de danser, en fait, mais... qu'est-ce que tu veux. Et là, quand t'entends la musique, tu te dis, ça, c'est du sous Piazzadora et Jermaine Jackson. Tu te dis déjà que ça volait pas haut. Là, oui, je confirme. Moi, j'aimais bien. When the Rain Begins to Fall. J'adore. Quand même, c'est un titre incontournable des années 80, Flipkart. Je confirme. C'est vrai. Voilà, c'est incontournable. Après, on aime ou on n'aime pas, évidemment, mais... Oui, tout à fait, oui. Bon, écoutez les gars, on a dépassé un peu le temps imparti, il va falloir qu'on se quitte là-dessus, le temps de se faire des petites bises. Et quoi que, limite, je peux vous mettre la chanson Jermaine Jackson et Piazzadora pour se quitter, parce que c'est vrai que j'avais choisi, c'est pas vraiment que j'avais choisi. Non, mais j'aimerais bien Love Boat, parce que il faut expliquer roulette, à nos auditeurs qu'en fait, j'ai fait une roulette song pendant que c'était la chanson, et en tapant comme ça au hasard, je tombais sur Jack Jones avec The Love Boat. Ah, mais moi j'aime bien. qu'est-ce que t'en penses? Ça me parle plus. Peut-être qu'en entendant. La musique de la croisière s'amuse, quoi. Passe-le, s'il te plaît. Bon, fais-nous plaisir, Sherlock. Et bon, on va se quitter avec ça, alors le temps de saluer tous nos auditeurs et auditrices en espérant que vous avez passé une bonne soirée. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, avec Stéphache. Alors, oui, c'est la Saint-Valentin, c'est ça? Ouais. Non, pas la semaine prochaine. Non. La semaine d'après. C'est la semaine d'après. C'est la semaine d'après, donc ça va. Oui, t'es pressé, hein. T'es pressé, hein. Il est pressé de voir ça. Il va falloir que t'attendes 2 semaines. Hein. Désolé, Flipkart, mais avant de voir ta Valentine, il va falloir que t'attendes 2 semaines. Ouais. Écoute, je le fais avant. Eh ouais. Regarde-moi, j'attends plus. Non. Non, c'est fini. Bon, écoute, on va se quitter avec ça. Alors, The Love Boat, peut-être que ça va attirer les filles. J'adore. C'est super. En tout cas, Je pense qu'elles ont un peu déserté le site, sur la page, je veux dire. Oui, c'est vrai que ce soir, ça a été calme, quand même, sur la page. Donc, on se quitte avec cette chanson. Une chanson pourrie qui était choisie par Sherlock. Mais je ne l'ai même pas choisie, en fait. J'ai tapé au hasard. C'est très bien. Mais j'aurais pu choisir Jermaine Jackson et Piazzadora, mais voilà. C'est tombé là-dessus, donc il faut tout pour faire. Ça m'a rappelé des souvenirs, nickel. Allez, c'est parti. Ciao, bye. Ciao, bye, bye. Ciao. Soon we'll be making another said something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. Yeah, and love won't hurt anymore. It's an open smile.